merci d'être venu et c'est à vous. Merci beaucoup pour l'invitation pour ce séminaire. Je suis désolée d'avoir déplacé parce que ça, je pense, c'est un petit peu compliqué. Juste peut-être, mais on y viendra dans la discussion. Vous êtes tous philosophes en fait, hein, en termes de démarche disciplinaire. Moi, je suis de la sociologie. D'accord. Donc parce que c'est effectivement en tant que plutôt sociologue, même si je suis en sciences politiques, mais et travaillant sur le syndicalisme et les conflits du travail, que je vais intervenir aujourd'hui, donc peut-être avec un peu de décalage par rapport à vos autres séances, mais on aura l'occasion d'en discuter ensuite, en fait. Donc, pour cette thématique, rapport de domination, résistance individuelle et conflits collectifs dans la sphère du travail, j'ai choisi de partir d'une posture de recherche qui est, par exemple, explicitée et assumée par Danielle Kergoat, hein, notamment dans l'ouvrage qu'elle vient de publier, qui rassemble l'ensemble de ses articles, qui s'intitule « Se battre, disent-elles », qui est sorti en 2012 à la Dispute. Elle dit « J'ai toujours voulu comprendre la capacité qu'ont les hommes et les femmes, même dans des situations d'extrême domination, de se battre et de s'opposer. » Donc, évidemment, c'est un peu déplacer le curseur vers la compréhension des formes de résistance, des formes de lutte, tout en ne faisant pas l'impasse justement sur les implications des formes de domination. L'idée que je vais essayer de mettre au centre de cette intervention, c'est d'essayer de saisir l'intrication entre les dimensions de la domination et les formes de résistance, de tenir finalement, pour le dire de façon peut-être un peu plus familière, les deux en même temps, la compréhension des formes de domination et des formes de résistance. Il me semble, on y reviendra aussi certainement dans la discussion, qu'il y a eu tout un renouvellement et un développement des travaux, notamment en sociologie du travail, sur les différentes dimensions de la domination dans la sphère du travail. Une littérature scientifique relativement abondante, extrêmement intéressante sur cette approche ou ces approches de la domination au travail. Et il existe aussi d'autres travaux scientifiques qui portent là plus sur les mobilisations collectives, notamment en sociologie des mouvements sociaux, des mobilisations collectives, sans qu'il y ait forcément de connexion entre ces deux pans de la littérature. Les travaux sociologie des mouvements sociaux portent en partie, c'est quand même une part minoritaire, mais portent en partie sur les mobilisations dans le monde du travail, notamment en abordant la question des mobilisations de salariés précaires. Et je crois que vous aviez fait tout un séminaire aussi sur la précarité, en fait. Et souvent abordent ces luttes sociales sous le prisme des mobilisations improbables, qui est une terminologie qui vient de la mobilisation des ressources, du courant de la mobilisation des ressources, que pour ma part, cette terminologie-là, je récuse fortement, mais je vais essayer d'y venir plus tard. Mais c'est souvent comme ça que se sont développés, au travers de cette approche, de ce prisme, que se sont développés toute une série de travaux, par ailleurs fortement intéressants, sur l'émergence, la construction de luttes de salariés précaires dans la sphère du travail. Alors, un petit peu comment essayer de faire le lien entre les deux, comment à la fois se nourrir de ces travaux qui donnent à voir ce qui se passe en termes de conflits collectifs et individuels dans la sphère du travail, et tout en établissant des connexions avec les travaux sur les renouvellements des dimensions de la domination. Alors, ce que je vais essayer de développer, même si de mon côté je n'ai pas mené de recherche empirique sur les formes de la domination. Mes travaux de recherche ne sont pas orientés vers cela, même si sur le plan intellectuel et scientifique, il me semble indispensable de les prendre en compte. Mes travaux portent sur les formes de conflits, résistance au travail, je reviendrai sur le terme, grève, et sur les formes d'organisation collective au travers des syndicats, en fait. Pour autant, il me semble qu'on ne peut pas penser la conflictualité au travail, donc, sans revenir sur ce qui se joue dans le rapport de travail, dans la mesure où ça éclaire les conditions matérielles et les conditions symboliques de possibilité de l'action collective. Alors, c'est pour ça que, en introduction de mon propos, je voudrais revenir un petit peu sur ces différentes dimensions de la domination au travail, avant de vous présenter un certain nombre de recherches empiriques que j'ai pu mener ces dernières années, et de voir comment elles nous aident à réfléchir sur ces questions de résistance et de mobilisation collective dans la sphère du travail. Enfin, alors, sur les dimensions de la domination, j'y reviendrai de façon succincte, mais ça me paraît important un petit peu de les poser au préalable. Il me semble qu'il y a différents aspects qui sont explorés. D'abord, il peut y avoir des éclairages sur, quelque part, si on part du rapport salarial comme un rapport social d'exploitation, de subordination, d'aliénation, pour le reposer comme cela, en fait. Il me semble qu'il y a des travaux qui viennent éclairer d'abord des formes prises tout simplement par la surexploitation, en fait. Et en ce sens-là, des travaux de sociologie du travail qui nous montrent bien que la forme d'organisation fordiste, la forme d'organisation fordiste du travail n'a pas disparu. Elle n'a pas disparu, d'une part, du secteur industriel, j'y reviendrai. Il y a encore des usines, il y a encore un travail à la chaîne. Et elle s'est surtout diffusée vers le secteur tertiaire. Il y a une part du secteur tertiaire aujourd'hui qui relève de ce type d'organisation du travail, avec des pénibilités physiques qui demeurent fortes, avec un contrôle strict du temps de travail, que l'on pense par exemple, il y a toute une série d'articles sur des mobilisations dans les centres d'appel, ou que l'on pense aux travaux sur notamment les caissières dans les supermarchés, je pense aux travaux de Marlène Banquet par exemple, qui part d'une analyse de l'organisation du travail, des multiples contraintes auxquelles sont soumises ces caissières, ces multiples formes de surveillance par la hiérarchie, par les clients, par leurs pairs, et qui montrent comment il y a... là, on est dans des formes très classiques de contrôle du travail et de formes d'autorité aussi. Les travaux sur différentes dimensions de la domination au travail ont aussi, bien sûr, contribué à éclairer aujourd'hui tout ce qui joue au travers du processus de précarisation. Et là, c'est plutôt ce qui est en jeu, c'est ces transformations dans les modalités de la subordination salariale, en fait. Là aussi, j'y reviendrai tout à l'heure à partir de ce qu'on a fait avec Paul Bouffartig sur justement les tentatives des organisations syndicales pour mobiliser les salariés précaires. Mais bien sûr, c'est à la fois la précarisation de la forme d'emploi, mais aussi la précarisation du travail, du rapport au temps, du rapport à la possibilité de se projeter dans une carrière professionnelle, en fait. Et puis on a tout un pan de ces travaux sur la domination au travail aujourd'hui qui nous aide à comprendre aussi ce qui se joue au travers des formes de subordination liées aux nouvelles techniques de management, en fait, un renouvellement de ces techniques de management, notamment ce qui joue au travers du New Public Management dans le secteur public. Et là aussi, peut-être pour tout de suite faire le lien avec une réflexion sur les mobilisations et les grèves, on s'est par exemple beaucoup interrogé en 2010, pendant le mouvement social contre la réforme des retraites en 2010. Vous vous souvenez sans doute qu'il y a eu des débats, des questionnements sur un changement dans les figures sociales, les figures des travailleurs qui étaient en pointe de ce mouvement. Et alors que ça faisait assez longtemps que ça n'avait pas été le cas, c'était plutôt le secteur privé qui a été en pointe au travers des raffineurs, en fait, le blocage des raffineries. Et au contraire, il y a eu une moindre participation d'un certain nombre de salariés, d'agents du public, qui avaient été pourtant en pointe d'autres mobilisations, comme en 1995 ou en 2003. Je pense à EDF, GDF, à La Poste, à l'Éducation nationale. Et pour éclairer ça, un certain nombre de sociologues du travail ont dit, mais c'est lié aux implications du New Public Management dans ce type de secteur, où on a l'introduction de techniques qui ont déjà été éprouvées dans le secteur privé, qu'on transfère vers le secteur public, où on va jouer sur la mobilisation de la subjectivité des salariés. On va mettre en place des formes d'évaluation personnalisée, d'individualisation au travers de primes. On va mettre aussi tout un dispositif de mise en concurrence, on le connaît bien à l'université, entre les services, entre les agents, et diffuser à la fois ce culte de l'évaluation avec l'imposition de normes, de procédures. Sandra Logier et Albert Ogier le montrent bien dans leur livre C'est pourquoi désobéir en démocratie. Et puis le culte de la performance, l'idée de la disponibilité aussi par rapport au travail. Donc ce tournant-là dans le néo-management qui s'est fait dans le privé beaucoup plus tôt, hein, les travaux par exemple de Daniel Linhart ou de Jean-Pierre Durand le montrent bien, ben, aujourd'hui on le connaît aussi dans le secteur public, et ça a des implications, source de renouvellement des formes de domination au travail, et bien sûr ça a des implications aussi sur les formes de mobilisation en fait. Donc on a ces différentes pistes de compréhension de ce qui se joue aujourd'hui dans la transformation des formes de domination au travail, dans l'étendue de cette domination au travail. Avec, me semble-t-il, des débats en sociologie du travail qui sont plutôt sur à quel point peut-on dire qu'il y a consentement des salariés, à quel point peut-on penser qu'il y a une adhésion à l'ordre productif, donc dans une inspiration un peu weberienne en fait, hein, cette idée de la domination comme obéissance ou consentement qui doit être légitime, donc à quel point assistons aussi à une intériorisation de cet ordre productif, ou peut-on penser qu'il y a une obéissance contrainte liée au rapport salarial, à la subordination qu'implique ce rapport, une obéissance contrainte mais sans consentement, ou sans consentement total en fait, hein. Il me semble qu'il y a eu toute une série de débats là-dessus, avec des débats théoriques aussi, des auteurs qui vont se réclamer d'une approche plus bourdieusienne, hein, même s'il y a peu de travaux de Pierre Bourdieu directement de Pierre Bourdieu sur la sphère du travail, mais bien sûr il y a eu d'autres travaux, à commencer par les travaux de Beau et Pialou, et puis il y a eu les numéros d'actes de la recherche sur la domination au travail, qui ont d'ailleurs relancé, hein, un certain nombre de questionnements sur ce qui se joue dans la sphère du travail, mais quelque part, si on cherche un peu de ce côté-là, il y a ce texte, hein, de Bourdieu dans les méditations pascaliennes sur la double vérité du travail, qui a été repris dans Actes ensuite, où il écrit, c'est pas pour réduire, mais je cite juste ce passage, il dit « La liberté de jeu laissée aux agents est la condition de leur contribution à leur propre exploitation. » La liberté de jeu, finalement, le peu d'espace qui est laissé permet à un certain nombre de salariés d'adhérer un petit peu à ce qu'ils font, en fait, mais c'est aussi les conditions de leur contribution à leur propre exploitation. Quelque part, dans cette perspective-là, si on a des outils très fins pour comprendre ce qui se joue dans la domination au travail, il n'y a pas d'espace possible pour les formes de résistance, il n'y a pas d'espace possible pour la montée en puissance d'un collectif autonome et de formes de critique, hein, collective, en fait. Et il est vrai que... Alors, je change de registre, j'étais sur une piste d'analyse théorique, mais il est vrai qu'un certain nombre de données empiriques ont semblé aller dans ce sens, hein, confirmer ce type d'approche, hein, c'est-à-dire un petit peu voir aussi s'il y avait une puissance renouvelée, sans borne, de la domination au travail, hein, et quelque part on pourrait aussi voir du côté des travaux de Boltanski et Chiappello, hein, aussi cette idée-là de finalement la capacité, comme je l'évoquais, du néo-management, des employeurs, à retourner, à se réapproprier les différents types de critiques, hein, qu'il s'agisse de la critique sociale, hein, dans leur typologie, ou de la critique artiste, en fait. Et c'est vrai qu'un certain nombre de données semblent alimenter ça, hein. On a souvent donc théorisé sur le déclin des grèves, hein, à partir du milieu des années 80, à partir de données sur les statistiques de grèves, les journées individuelles non travaillées, les journées de grève, hein, notamment un déclin des grèves dans le secteur privé, avec un effondrement, hein, du nombre de journées de grève par rapport à ce qu'on avait connu dans la décennie post-68 en particulier, même s'il y a quelques pics, hein, qui 86 par exemple, 95, et peu à peu ces données ont semblé confirmer que la grève comme domaine de pratique quelque part, était de plus en plus réservée aux agents du public, hein, et étrangères quelque part, ou impossible pour les salariés du privé, en raison de l'éclatement des collectifs de travail, de l'affaiblissement de ces collectifs, en raison de la pression exercée aussi par le chômage de masse, hein, depuis le début des années 80, et ce contexte récurrent de crise, même si la crise peut être plus ou moins forte selon les périodes, en fait. Et donc, ces données-là, elles ont nourri cette idée qu'il y avait peu de conflictualité au travail, et finalement, les seuls conflits qui demeurent sont soit dans le public, hein, avec un peu la grève programmée, hein, les journées d'action nationales, ou des conflits durs dans le privé, hein, des conflits qui acquièrent là, pour le coup, une visibilité médiatique, mais qui sont un peu présentés comme des conflits de la désespérance sociale, hein, par rapport à une fermeture programmée d'usine ou une délocalisation. Et là aussi, on pourrait revenir si vous voulez dans la discussion, mais il y a aussi toute une mise en scène, à la fois du côté des acteurs, mais aussi bien sûr dans la sphère médiatique, hein, d'une radicalité, mais d'une radicalité qui est présentée comme stérile, en fait, hein, d'une radicalité qui n'est pas justement créatrice de collectifs, qui n'est pas créatrice non plus d'une capacité critique par rapport aux formes de la domination, la forme prise par la domination dans le rapport social et par rapport à l'ordre productif, en fait. Là aussi, hein, juste pour aller dans ce sens-là, c'est vraiment, je pense que c'est une vision qui est dominante, hein, dans les travaux des années 90, début des années 2000. Par exemple, Jean-Pierre Durand, qui écrit dans Travailler aujourd'hui, hein, flux tendu et servitude volontaire, en 2003, il écrit la servitude volontaire, bon, pour reprendre la Boétie, puis le consentement font plier les résistances et font dévier celles-ci vers des conduites d'ajustement et d'arrangement fonctionnel qui permettent aux individus de se réconcilier avec leur travail, de tenir le coup, d'évacuer les sources d'un mal-être. Donc il n'y aurait plus de conflictualité, mais des formes, simplement des formes d'ajustement, hein, des formes d'arrangement. Là, les résistances seraient réduites à ça, en fait, hein, pour éviter aussi, et là il y a toute l'approche qui s'est développée, bien sûr, sur les questions de la souffrance, des risques psychosociaux, de la souffrance au travail, qui permettrait, comme il le dit, de tenir le coup, en fait, hein. Donc on aurait cette situation dans la sphère du travail, avec finalement des salariés, un travail écrasé, hein, par ces différentes formes de domination, en fait, hein. Alors, moi j'aimerais bien relativiser un petit peu cette perspective, hein, en essayant de montrer que demeurent des formes importantes de conflictualité dans la sphère du travail, mais des formes qui sont retravaillées, pour le dire ainsi, hein, sans jeu de mots, par cette transformation, ce processus de transformation des différentes dimensions de la domination au travail, en fait, hein. Donc je vais essayer de le faire en partant de deux recherches, hein, dans lesquelles j'ai été engagée dans les années précédentes. Donc, que vous avez cité, hein, un travail collectif que nous avons fait à la fois sur des données quantitatives et des données qualitatives sur les conflits du travail avec Jean-Michel Denis, Baptiste Giraud, Jérôme Pélisse, qu'on a publié dans un ouvrage qui s'appelle La lutte continue. Et puis, je vais essayer de m'appuyer aussi sur des recherches menées sur les formes de mobilisation et d'organisation des précaires, hein. Alors, c'est deux programmes de recherche différents dans lesquels j'étais impliquée. Mais l'idée n'est pas de les rapprocher artificiellement, mais je vais essayer de les faire dialoguer pour voir en quoi ils nous permettent de réfléchir, en fait, à ce phénomène multiforme de résistance et de conflictualité dans la sphère du travail, hein, et comment ils peuvent nourrir des questions complémentaires, hein. Et puis je terminerai en conclusion en revenant sur cette notion de résistance au travail, en essayant de voir ce qu'on peut faire de cette notion, puis aussi quand même des biais, des écueils qui peuvent lui être liés, en fait, hein. Alors, premier point, je voudrais donc revenir sur la question relative à la visibilité, surtout à l'invisibilité, en fait, hein, des pratiques de contestation dans la sphère du travail, hein. Donc on avait eu la possibilité d'exploiter une enquête réalisée par le ministère du Travail, par la DARES, hein, qui s'appelle l'enquête réponse, hein. Qui est une grosse enquête sur les relations professionnelles, hein, que la DARES fait passer dans l'ensemble des établissements. Alors, à l'époque, c'était de plus de 20 salariés, aujourd'hui, c'est de plus de 11 salariés, de l'ensemble du secteur marchand, hein, public et privé, en fait, hein. Nous, on avait travaillé sur alors c'est une enquête qui est réalisée tous les 6 ans, en fait, hein. On avait travaillé sur la période 2002-2004, hein, enfin, sur la version de l'enquête, l'édition de l'enquête 2002-2004, et on commence à pouvoir exploiter les dernières données de l'édition 2008-2010. Donc, je vais en évoquer certaines, hein. Et puis bien sûr l'intérêt c'est de voir dans la continuité, hein, puisque ils ont essayé de stabiliser un petit peu les indicateurs, même s'il y a toujours aussi un certain nombre de biais, il y a la passation des questionnaires, la réalisation de cette enquête. Quand même, le fait d'en disposer dans la durée, hein, les premières dates des années 90, permet quand même de repérer ou d'objectiver un certain nombre de phénomènes. Alors l'intérêt de cette enquête, c'est qu'elle nous avait permis de critiquer finalement. Je vais vite parce que c'est peut-être des choses que vous connaissez, puis je vais revenir sur après d'autres éléments qui sortent de l'enquête. L'indicateur qui était utilisé pour mesurer la conflictualité au travail et l'indicateur qui sert dans la très grande majorité des travaux en histoire comme en sciences politiques ou en sociologie à établir le constat d'un déclin de la conflictualité au travail. Cet indicateur, effectivement, qui est un indicateur qui relève de la statistique publique, hein, c'est celui des journées individuelles non travaillées, c'est-à-dire de la journée de 8 heures non travaillées. Et c'est vrai que cet indicateur, on en dispose tout au long du XXe siècle. Alors ça permet d'établir des séries de longue durée. Et nous n'étions pas du tout les seuls à faire cela, hein, il y a toute une série de travaux avant nous qui l'ont montré, et même des critiques qui venaient à l'intérieur même du ministère du Travail, pour dire que cet indicateur, il présente un certain nombre de biais. Hein. Il pose des questions sur ce qu'on recense, en fait. Hein. Est-ce qu'on réduit le conflit du travail à la grève de 8 heures, hein, à la journée de 8 heures, hein. Ce qui empêchait de voir d'autres phénomènes, je vais y revenir, comme le débrayage, c'est-à-dire la grève de quelques heures. C'est-à-dire la grève de 50 minutes, comme celle de 2-3 heures. Alors, c'est vrai que je vais y revenir, cette modalité d'action, elle est plus ou moins pertinente. Par exemple, elle n'existe pas pour nous dans la fonction publique d'État. Quand on fait grève à l'université, c'est une journée de salaire. Hein. D'ailleurs, les syndicats protestent là-dessus, c'est un 1/30 du salaire. Donc qu'on fasse grève une heure ou qu'on fasse grève 6 heures, ce qui en plus, en général, on rattrape les cours, donc ça n'a aucune réalité par rapport à ce qui se passe dans le secteur privé, enfin ça n'a pas beaucoup de rapport. Par contre, dans le secteur privé, ça peut avoir du sens, et on voit souvent dans les transports, ou je vais y venir dans le secteur industriel, avec les productions flux tendues, faire grève 50 minutes, hein, ça permet de désorganiser complètement le flux de la production, hein, et ça peut avoir beaucoup plus d'efficacité que de faire grève une journée entière où vous perdez votre journée de salaire, en fait. Et ça permet évidemment de tenir sur une plus longue durée, en fait. Donc, au travers de cet exemple du débrayage, on pouvait interroger sur ce qu'on saisissait véritablement au travers de cet indicateur de la journée individuelle non travaillée, en fait. En plus, il y avait plein de problèmes en termes de saisie, hein, qui faisaient remonter ces chiffres, puisque c'était les inspecteurs du travail qui étaient censés remplir des fiches sur les grèves dans les établissements du territoire qu'ils couvrent, sachant que le corps des inspecteurs du travail est quand même extrêmement limité, qu'ils sont surchargés déjà de tâches, et que de même, ils disaient que c'était un peu secondaire, quoi. Ils n'avaient pas beaucoup le temps de recenser ces fiches sur les conflits. Il y avait comme ça une thèse qui a été réalisée par une collègue politiste, Sophie Camard, sur les grèves en Seine-Saint-Denis. Elle avait comparé les données statistiques produites par le ministère du Travail et les grèves recensées dans la presse, notamment en parisien, en fait. Et elle ne retrouvait que 20% de grèves communes, en fait, entre les deux. Donc, on savait qu'échapper à la statistique publique, toute une part de la conflictualité au travail. Après, bon, il peut y avoir des débats, est-ce que pour autant l'indicateur est faussé ? Si on se sert du même indicateur dans la durée. Pas nécessairement, mais par contre, il sous-estime la conflictualité au travail. D'où l'idée de renouveler un peu les outils statistiques, d'où le lancement de ces enquêtes comme réponse. Et donc, l'originalité de réponse, c'est de saisir une palette de modalités d'action dans les établissements. Donc, c'est une enquête qui est... c'est un questionnaire qui est passé auprès des représentants de la direction, des représentants des salariés, souvent donc des élus du personnel, au comité d'entreprise ou délégués syndicaux, et des élus ou délégués syndicaux, et puis des salariés tirés au sort en fait. Et puis nous, après, on avait réalisé des entretiens qualitatifs hein, dans les mêmes établissements en fait, hein. Donc cette enquête-réponse, elle définit toute une série de modalités d'action, dont donc la grève de moins de 2 jours, la grève de plus de 2 jours, les débrayages, pétitions, manifestations. Déjà, elle distingue, pardon, le conflit avec ou sans arrêt de travail. Hein? Il peut y avoir du conflit sans arrêt de travail, il peut y avoir des pétitions, des manifestations. Je vais y venir, par rapport aux exemples. Il y a des conflits avec arrêt de travail, quel type d'arrêt de travail, hein? Et puis, elle indiquait aussi, dans les modalités d'action, il y a aussi des indicateurs qui relèvent plutôt de la conflictualité individuelle, recours au prud'homme, sanctions, refus des heures supplémentaires, absentéisme. Alors, cette enquête, quand on a pu l'exploiter, et puis donc j'ai regardé un petit peu ce que ça donne sur la période actuelle, enfin la période 2008-2010, hein, elle faisait ressortir plusieurs éléments, je vais juste les évoquer. D'abord, elle faisait ressortir que toutes les formes de conflictualité, à part la grève de plus de 2 jours, donc la grève longue en fait, hein, bon, c'est relatif, mais la forme, la modalité la plus longue qui était proposée, toutes les formes de conflictualité étaient en augmentation sur la période 2002-2004, et c'est vrai encore de la période 2008-2010, hein, le niveau de conflictualité reste le même, en fait, hein, reste à peu près le même. Alors, en augmentation par rapport à 96-98, hein, donc à l'exception d'une seule modalité, la grève de plus de 2 jours. Et parmi les modalités qui connaissaient une progression extrêmement significative, il y avait le refus des heures supplémentaires, les débrayages, les pétitions et les manifestations, en fait. Donc, vous voyez des formes de conflit avec arrêt de travail, débrayage, comme des formes de conflit sans arrêt de travail. Pétition, manifestation. Sans qu'il y ait nécessairement arrêt de travail. Il peut y avoir des manifestations, des pétitions en lien avec un arrêt de travail, mais il peut y en avoir aussi sans lien avec un arrêt de travail. Deuxième enseignement de cette enquête-réponse, et c'est, j'ai vérifié aussi pour la période contemporaine 2008-2010, ça se confirme. Le secteur de l'industrie, contre toute attente, reste le lieu central d'éclosion des grèves, et plus généralement donc des conflits du travail. Donc non seulement le secteur industriel est loin d'avoir disparu, mais en plus c'est le lieu encore central de la conflictualité. Et on ne peut pas penser qu'il y a simplement une réduction de la conflictualité à des mobilisations pour la défense de l'emploi, ou à des mobilisations pour l'augmentation des primes extra-conventionnelles de licenciement, hein, lors de plans de sauvegarde de l'emploi. C'est un secteur où on voit, justement, c'est ce secteur qui connaît la montée, la progression d'une modalité d'action comme le débrayage, avec un usage, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui peut être offensif, hein, du débrayage. Donc on n'est pas simplement sur de la conflictualité défensive, un peu le dos au mur, hein, par rapport à des fermetures d'établissements ou d'entreprises, hein. Alors, ce qui faisait sens aussi dans ces résultats, hein, c'était l'augmentation concomitante du nombre de sanctions déclarées par les représentants de la direction, du recours au prud'homme de la part des salariés, de la montée aussi d'indicateurs comme l'absentéisme et le refus des heures supplémentaires. En 2002-2004, hein, là, on était en pleine période travailler plus pour gagner plus, hein. C'est intéressant de voir qu'il y avait à ce moment-là, on pouvait identifier un fort refus des heures supplémentaires, en fait, hein. Après, je reviendrai sur le sens qu'on peut mettre à ça, hein, puisqu'il n'est pas du tout évidemment univoque, en fait, hein. Alors, dans cette enquête, donc une enquête par questionnaire, on avait aussi des questions ouvertes, hein, des questions ouvertes dont on n'a pas pu faire un traitement statistique, qui portaient sur les autres formes et les autres thèmes de conflit. Alors, c'est des questions. Moi, j'ai pu travailler sur l'ensemble des réponses, mais là, de façon plus qualitative, un petit peu, pour essayer de repérer, justement, alors, avec une forte confusion, justement, entre forme et thème du conflit. Mais c'est quand même un ensemble de réponses extrêmement intéressant, puisqu'en plus, c'est dit avec les mots, hein, des salariés et les mots des représentants du personnel, en fait, hein. C'est finalement des fragments d'expérience, hein, qui sont retranscrits au travers des mots choisis par les acteurs eux-mêmes. Et donc, dans ces réponses ouvertes, je dirais qu'on trouvait trois grands ensembles, en fait. Un premier ensemble d'éléments qui renvoient à des contestations des ordres ou des consignes de la direction. Contestation des sanctions, des changements de poste. Et là, on a toute une série de répondants qui évoquent des conflits qui ont porté sur l'organisation même du travail. Hein, refus de la polyvalence, refus d'acceptation des objectifs individuels et collectifs fixés par la direction. Donc on voit apparaître, hein, la surcharge de travail, la polyvalence comme des thèmes de conflit. Et puis, on voit toute une série de réponses qui visent explicitement l'encadrement. Hein, problème de compétence de l'encadrement, problème de l'organisation des prises de décision, incohérence de gestion. Et donc cet ensemble comprend, hein, l'expression de différentes formes de refus qui servent à la fois de mode d'action. Hein, on refuse des réunions, on refuse de participer à des groupes de travail, hein, et des modes de contestation de l'autorité. Et de façon un peu plus marginale, contestation, c'est des objectifs poursuivis par l'entreprise, en fait. Un deuxième ensemble de ces réponses renvoie à des formes d'interpellation de la hiérarchie. Et donc là, ce qui est évoqué, c'est toute une série de modalités, hein, qu'on connaît assez peu. Dépôt de motion vers la direction, motion de défiance, cahier de doléances. Réclamation de tous les salariés dans le bureau du directeur. Et là aussi, hein, on voit s'esquisser toute une série de pratiques, hein, le fait de se déplacer collectivement vers la direction, parfois de convoquer, le terme est employé à plusieurs reprises, convocation de la direction par un atelier. Demande de démission du directeur. Hein. Démission du responsable d'un département par les salariés sous ses ordres. Donc ça, ça interroge sur justement ces façons de contester, hein, l'ordre hiérarchique dans l'entreprise, en fait. Et d'ailleurs, on les trouvait, puisqu'on avait recoupé, bien sûr, avec les données dont on disposait, aussi bien dans des PME que dans des filiales de grands groupes. Hein. Y avait pas, c'est pas forcément une forme d'expression, de contestation de la hiérarchie qu'on trouverait que dans les petits établissements. Hein. On pourrait faire cette hypothèse-là en se disant, dans une PME, PMI, peut-être qu'il y a des salariés qui sont plus en capacité, plus légitimes pour contester la hiérarchie. On le trouvait aussi dans des grands groupes, en fait. Puis un troisième ensemble de réponses au travers de ces réponses ouvertes, un troisième ensemble d'éléments plus atypiques, hein, ou plutôt qui attestent de formes plus atypiques d'affichage du désaccord, hein, ou du mécontentement. Alors, c'est l'évocation du boycott, hein, boycott de réunion, boycott des vœux du PDG, boycott de la réunion annuelle sur les résultats. Et on voit que ça renvoie aussi à des formes d'action qui voudraient croiser avec les catégories socio-professionnelles, hein, qui peuvent concerner aussi l'encadrement, bien sûr. Hein. Le fait de quitter des réunions. Ou alors l'affichage du conflit sans interruption de l'activité par le port de signes distinctifs et visibles. Hein. Brassard noir, papillon sur les blouses, badge contestataire, hein. Et aussi l'évocation, l'usage des messageries électroniques. Juste, je voulais évoquer ces réponses ouvertes et ces trois ensembles, hein, qui se dessinent, puisque on voit que c'est la restitution de ces multiples traces de la contestation au travail peut être riche, hein, d'enseignements sur la part d'inventivité collective, hein, d'investissement des marges d'action, comme boycotter une réunion, envahir une réunion. Donc part d'inventivité collective, comme aussi l'usage de formes plus instituées, plus canalisées de la contestation, faire appel à l'inspection du travail, par exemple. Cette façon, hein, de retourner les méthodes de gestion du personnel, d'interpeller l'encadrement, donne à réfléchir, hein, sur finalement une conflictualité plus ordinaire, hein, plus quotidienne, hein, mais qu'on connaît mal, qu'on connaît peu, en fait. Hein. Et qui pourtant contient une forte dimension collective, en fait. Hein. Et je crois que ça amène à réfléchir sur le fait que on sait peu de choses, hein, de cette conflictualité ordinaire. Hein. On mesure finalement, finalement un iceberg dont on ne connaît pas très bien l'étendue. Comme on sait peu de choses sur le rôle des syndicats par rapport à ce type de conflictualité, est-ce qu'ils sont complètement à côté de ce type de conflictualité? Est-ce qu'ils l'organisent? Rien ne nous permet de conclure à leur absence, mais en même temps, on voit qu'il y a sans doute des modalités d'expression qui passent à côté des institutions représentatives du personnel et des syndicats. Alors, l'ensemble de ces données, hein, quantitatives et puis à la fois donc aussi l'analyse de ces réponses ouvertes, puis après les monographies qu'on avait réalisées, basées plus sur des entretiens en fait, hein, nous avaient amené à questionner plusieurs éléments en fait. Hein. Ça nous avait amené à réfléchir à comment on peut comprendre le passage de forme de retrait individuel, hein, par exemple le recours au prud'homme, hein, ou forme de retrait, parce que le recours au prud'homme peut être une forme offensive, mais forme de retrait plus marquée, refus, enfin l'absentéisme par exemple, hein, à des formes de protestation. Comment, par exemple, que faire du refus des heures supplémentaires, hein, on peut pas penser que les heures supplémentaires sont nécessairement chargées d'une dimension, le refus des heures supplémentaires est nécessairement chargé d'une dimension de contestation. Au travers des entretiens qu'on a réalisés, on voyait bien qu'il y avait finalement, il y a différents usages de ce refus des heures supplémentaires. Ça peut être, je me souviens d'une usine sur laquelle on avait travaillé à côté de Nantua, une usine de production de fromage du groupe Entremont, où il y avait beaucoup, beaucoup de refus des heures supplémentaires. Et la main-d'œuvre était une main-d'œuvre ouvrière, féminine. Et on voyait très bien que c'était la difficile conciliation entre le travail domestique et le travail salarié, qui conduisait une partie de ces femmes, parfois, à avoir beaucoup d'absentéisme, en fait. Hein, il y a des jours où elles ne pouvaient pas, parce qu'il y avait un enfant malade, etc. Et puis, à refuser les heures complémentaires, malgré de bas salaires, en fait. Hein. On voit bien que le sens, hein, donné à une pratique comme le refus des heures supplémentaires peut complètement changer. On avait travaillé sur une autre usine où le refus des heures supplémentaires était venu après un conflit ouvert. Et donc, là, c'était une façon de continuer le conflit autrement, en fait. Hein. Donc, on a essayé de s'interroger sur l'articulation, hein, le passage de ces formes de retrait individuel à ces formes de protestation assumées et collectives. Et puis, on avait essayé de s'interroger sur l'articulation entre les formes de conflictualité avec arrêt de travail et sans arrêt de travail, en fait. Hein. Est-ce qu'on n'était pas en train d'assister à la montée en puissance de formes de conflictualité sans arrêt de travail, notamment dans certains secteurs, on peut prendre le secteur des services et du commerce, hein, où le rapport à la grève serait difficile, et finalement, il y aurait une évolution, un déplacement des salariés vers d'autres modalités d'action, comme les pétitions, les manifestations, mais non pas l'arrêt de travail, en fait. Alors, par rapport à ça, on avait un certain nombre de nos terrains d'enquête qui permettaient d'apporter des éléments de réponse, mais ils ne sont pas exhaustifs, évidemment. Hein. Nous, on avait essayé d'insister sur la nécessité d'avoir une approche processuelle du conflit. Hein. C'est pas l'idée d'une substitution, hein, forme sans arrêt de travail qui se substituerait à des formes avec arrêt de travail. On voit qu'il y a une dynamique de construction, hein, des conflits qui n'est pas nécessairement linéaire. Hein. Ou, par exemple, le recours à la pétition, ça peut venir avant un conflit avec arrêt de travail, comme ça peut venir après ou pendant ce conflit. Ça dépend vraiment de les séquences de construction. Et dans ces séquences de construction, cette dynamique de construction, il y a une importance forte des médiations organisationnelles, hein, qui notamment, le rôle des syndicats, hein, permet de passer, hein, de formes individuelles à des formes collectives. Hein. C'est encore vérifié au niveau statistique. Hein, plus il y a une présence d'institutions représentatives du personnel et de délégués syndicaux, plus il y a de conflits, hein, avec arrêt de travail. Hein, donc là, il y a un rapport positif entre les deux, en fait. Et puis, donc, approche processuelle du conflit, une approche processuelle qui prend en compte une dimension diachronique. Hein, essayer de comprendre comment les salariés vont aussi intérioriser ce qui relève du secteur d'activité, est-ce qu'il y a eu auparavant un processus de restructuration de l'entreprise, de réduction du personnel, et finalement quelles sont les dimensions qui limitent l'horizon des possibles et qui font qu'on va avoir recours à telle ou telle modalité d'action en fait. Hein. et qui fait que on peut pas anticiper sur ni sur le comportement des organisations syndicales ni sur le comportement des salariés. On avait comme ça enquêté sur une entreprise de production de champagne ou de 800 salariés où la CGT était largement majoritaire, et la CGT n'a jamais, par exemple, jamais eu recours à la grève, hein, pourtant dans un contexte de restructuration de l'entreprise, dans la mesure où elle était dans un processus de reconnaissance par rapport à l'essayer de trouver sa place dans le jeu de la négociation. Et donc on ne peut pas anticiper, par exemple, on ne peut pas anticiper sur des étiquettes syndicales, ça veut dire plus de conflits dans telle ou telle entreprise, en fait. Il faut vraiment avoir une approche localisée, hein, contextualisée de ces conflits. Alors, sur ce premier travail de recherche, je voudrais m'arrêter juste un instant sur ces résultats. Bon, ce type d'enquête, ça permet d'avoir une photographie malheureusement un peu statique, hein, de la conflictualité, même si on essaye de suivre dans le temps, qui permet de saisir l'ampleur de ce qu'on ne sait pas, en fait, hein, l'ampleur et la diversité des formes de protestation au quotidien dans les entreprises. Puisque souvent, quand on travaille sur la conflictualité dans le travail, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire un certain nombre de travaux par rapport à ça, mais on va soit s'intéresser aux grands mouvements interprofessionnels, hein, 95, 2010, soit à des conflits localisés, mais qui ont acquis une certaine visibilité médiatique, et notamment, bah, y a un certain nombre de monographies sur des conflits contre la fermeture d'entreprises. Mais cette conflictualité au quotidien, elle est finalement peu étudiée, cette conflictualité interne à l'entreprise, qui pourtant parle beaucoup des modalités de résistance à la domination au travail. En fait. Donc, premier enseignement. Deuxième enseignement de ces résultats, c'est on voit combien on a besoin d'une approche micro, hein, de voir comment se noue ce processus conflictuel, hein, au sein d'une entreprise donnée ou d'un établissement donné. Même si certaines variables, hein, on sait qu'un certain nombre de variables, ou que certaines variables, bien sûr, contribuent à réduire la conflictualité ou à la cantonner dans certaines formes d'expression. Les bas salaires, hein, les formes d'emploi atypiques. Hein. Par exemple, on avait repéré dans l'enquête réponse, hein, une corrélation entre les taux d'emploi précaires, intérim ou CDD, et la présence de conflits sans arrêt de travail. Hein. Dernier renseignement, c'est quand même le maintien de cette conflictualité multiforme, malgré justement cette transformation des formes d'emploi et du travail, malgré cette précarisation de l'emploi et du travail, malgré l'ampleur, hein, des restructurations de l'appareil productif. On voit qu'il y a beaucoup plus de... Il y a toute une série d'éléments, hein, qui nourrissent, hein, l'idée d'une conflictualité maintenue, quand même, dans la sphère du travail. Alors, peut-être plus rapidement, le deuxième point, pour un petit peu comprendre les potentiels de résistance. Là, je m'appuierai sur les... Justement... Là aussi des recherches à la fois individuelles et collectives sur les questions de mobilisation des précaires. Là aussi c'est un programme de recherche qu'on avait réalisé pour la DARES, hein, uniquement qualitative. Hein. Donc, le point d'entrée pour nous c'était le rapport des syndicats au phénomène de la précarisation du travail, hein, leur capacité à organiser les salariés précaires, à les représenter, à les mobiliser en fait. Hein. Et notamment on avait voulu... En particulier avec Paul Bouffartigue, on avait voulu essayer de comprendre comment le processus de précarisation, qui est le plus souvent interprété comme un processus de décomposition, hein, de la norme salariale, un processus d'affaiblissement, hein, du mouvement syndical, des résistances collectives, hein, bah, bien sûr, il est cela, mais en même temps, si on le saisit de façon dialectique, il peut être aussi susciter des résistances sociales, hein, peut être un processus contradictoire, en fait. Le vécu des rapports de domination d'exploitation peut alimenter un socle potentiel de résistance, et par là aussi contribuer au renouvellement des formes de l'action collective et au renouvellement aussi des formes d'organisation, en fait. Hein. Donc le saisir comme un processus ambivalent, contradictoire, et pas simplement un processus qui... Hein, pas simplement dans l'idée de un processus négatif hein, qui défait ce qui existait, en fait. Hein. Donc, je vais pas être trop longue, on avait retenu, nous, dans l'idée de précarité, mais c'est en accord avec d'autres travaux, hein. Précarité professionnelle, on l'avait saisie au travers de la précarité de l'emploi, hein, donc toutes les formes atypiques d'emploi, mais aussi précarité du travail. Pardon, je vais trouver précarité de l'emploi. On avait par exemple intégré dans précarité de l'emploi un CDI, quelqu'un, un salarié qui est en CDI mais dans une entreprise sous-traitante, connaît une forme de précarité de l'emploi. Parce que son CDI dépend complètement du contrat commercial hein, qui est passé entre l'entreprise sous-traitante, deuxième, troisième rang de sous-traitance, et l'entreprise donneuse d'ordre. Précarité du travail, hein. Et c'est là où le phénomène il est plus large hein, et il peut concerner, il peut créer aussi quelque chose de commun à un ensemble plus large de salariés. Hein. La polyvalence non reconnue, la non reconnaissance... des qualifications qui sont acquises dans le travail, l'impossibilité de se projeter dans une carrière ascendante, par exemple, tout ce qu'on peut mettre derrière la dégradation du travail. Et puis, on avait pensé aussi précarité des droits, hein, précarité de la représentation, hein, précarité des relations professionnelles, en fait. Hein. Et là, ça renvoie à tout cet ensemble... de différenciation vécue hein, dans l'entreprise par les salariés précaires. Hein. Le fait de ne pas avoir accès à des choses toutes simples, hein, comme les vestiaires, le restaurant collectif, qui sont aussi des façons de vivre cette différence de statut, de connaître, d'expérimenter hein, de façon très profonde, qui renvoie à la subjectivité aussi, ces différences de statut sur le même lieu de travail, en fait. Alors, je ne vais pas revenir sur nos différents terrains, je le ferai si vous le souhaitez, hein, pour prendre des exemples concrets de mobilisation, tentative d'organisation des précaires. Je vais surtout essayer de voir un petit peu ce qu'on avait dégagé comme fil de compréhension. Pour revenir après sur cette notion de résistance au travail, en fait. Hein. Donc, en mettant en commun nos différentes recherches, on avait essayé de, en premier lieu, de se demander à quel point ce phénomène de précarisation était nouveau, en fait. À quel point, dans sa version contemporaine, il présente des dimensions nouvelles. Et je pense que ça a à voir avec toute l'interrogation sur le renouvellement des formes de domination au travail. Ça renvoie bon, sans doute à des choses dont vous avez déjà débattu, mais est-ce que quelque part on assiste vraiment à un processus donc unilatéral de décomposition de la norme salariale fordienne, en fait, hein, avec l'entrée dans autre chose, hein, dans une forme de précariat généralisé, hein, de déstabilisation des collectifs de travail, hein, finalement avec l'émergence d'un nouveau régime de mise au travail, hein, comme certains peuvent le théoriser, en fait. Hein. Un petit peu, Robert Castel allait un petit peu dans ce sens-là, Serge Pogam va vraiment dans ce sens-là, ou bien finalement est-ce que on peut pas dire que cette précarité elle est de toute façon présente dans le rapport salarial capitaliste en fait, hein, et que finalement la production de solidarité et de formes de stabilisation du salariat constituent des enjeux de lutte permanents finalement dans l'histoire du salariat. Cette précarité, elle est au cœur du rapport salarial. Bah, c'est par exemple une approche que va développer Alain Bir. Et qu'on trouve hein, ces tentatives pour stabiliser, pour obtenir une forme de sécurisation tout au long du XXe siècle. Hein. Et notamment du côté de professions particulièrement soumises à des formes de précarité. Qui parfois vont réussir à trouver... En raison de capacités organisationnelles, en raison d'une intervention de l'État, les moyens de se stabiliser, de sortir un peu de cette précarité. Donc, quelque chose à comprendre en termes de rapport de force, hein, comment les dockers, finalement, on prend l'exemple des dockers, hein, les dockers, c'est le prolétariat par excellence, hein, ceux qui n'ont que leurs mains comme force de travail, que leurs bras comme force de travail, qui sont complètement soumis aux aléas de l'arrivée des bateaux, hein, pour décharger les marchandises, et pourtant ils arrivent à construire, par la lutte collective, puis par l'intervention de l'État, un statut extrêmement protecteur qui intègre l'intermittence du travail, en fait, hein, et qui leur permet de se mensualiser malgré l'intermittence du travail. Donc, se dire, ben, finalement, ces luttes-là, hein, la construction de rapports de force pour sortir de la précarité, c'est toute l'histoire du salariat. On la retrouve à différents moments, dans différentes professions, avec parfois certains secteurs qui ont servi un peu de fer de lance pour obtenir des avantages, une stabilisation pour d'autres secteurs. Le deuxième fil qu'on avait voulu tirer, c'est de se dire, bon, alors, premier fil, en quoi est-ce nouveau, hein ? Deuxième fil, c'était, finalement, on a tendance à voir un processus de stabilisation dans les années dites des 30 glorieuses, la période 45-70, hein, et ce qui empêche de voir ceux qui étaient restés dans les marges, en fait. Hein. Finalement, il y a des secteurs qui sont toujours restés dans les marges, des secteurs où se jouaient d'ailleurs des rapports sociaux de domination consubstantiels, hein, où c'était pas étonnant de voir qu'on s'en restait dans les marges, plus souvent des salariés, des femmes, hein, des salariés issus de l'immigration, qui n'ont pas bénéficié des formes de stabilisation, qui souvent n'ont pas été ou très peu organisées par les syndicats, et qui ont subi des formes de d'exploitation renforcée, en fait, hein. Donc, quelque part, revenir sur les limites du processus de stabilisation des années 50-70 pour dire cette précarité, elle était présente aussi durant cette phase-là, en fait, hein. Alors, puis dernier fil qu'on a essayé de tirer, c'était de voir comment une subjectivité conflictuelle, hein, peut naître de l'expérience même des rapports sociaux dans l'activité de travail, malgré des dépendances, malgré des fragilités renforcées. Et en ce sens-là, ça nous conduisait à plaider qu'il n'y avait ni miracle, hein, des mobilisations improbables. Ça, c'est le mot malheureux, mais c'était un texte d'intervention politique, c'est après. Mais c'est quand même le mot malheureux de Bourdieu sur le miracle, hein, de la mobilisation des chômeurs. Non, il n'y a pas de miracle social, hein. Ni miracle. Mais c'est pas tant ça que je vise, c'est l'idée des mobilisations improbables. Hein. Mobilisation improbable, en sociologie, mobilisation collective, du coup, on renvoie toujours sur le caractère indispensable des militants de soutien, des militants extérieurs, pour construire des mobilisations. Sans militants de soutien, ces mobilisations ne voient pas le jour. Mais, bien sûr, il y a un rôle de ces militants de soutien, hein, il ne s'agit pas de le nier, mais c'est de se dire aussi, l'expérience même de travail, hein, l'expérience même des rapports de domination dans le travail, peut être source ce qu'on pourrait appeler une subjectivité conflictuelle. Et on le voit beaucoup quand on essaye de comprendre comment prennent ces mobilisations de précaires, en fait. Hein. Des mobilisations qui, que ce soit dans la restauration rapide, dans le secteur de la grande distribution, dans le secteur du nettoyage, naissent le plus souvent sur des demandes de reconnaissance, hein, du savoir-faire professionnel. Hein. Peut-être que ça... Que c'est, il faudrait peut-être du coup aller voir de ce côté-là, en fait. Hein. Associé à toute expérience de travail, même s'il n'y a pas d'identification forte à un métier, hein, il va y avoir une demande de reconnaissance du savoir-faire professionnel, demande de respect aussi des conditions minimales pour bien faire son travail. On le voit, hein, les mobilisations précaires dans la restauration rapide, elles commencent par le fait d'avoir C'est souvent sur les conditions de travail, c'est avoir des gants, avoir des tenues correctes pour livrer les pizzas ou pour pouvoir les sortir du four, etc. C'est aussi des interventions par rapport à la façon dont on fait le travail, en fait. Hein. Donc, c'est des expériences qui s'appuient d'abord sur ces demandes-là liées au savoir-faire professionnel, hein. Des mobilisations qui vont s'appuyer aussi. Alors, c'est plus compliqué et plus difficile à démontrer en fait, mais et du coup ça renvoie à l'idée que subir n'est pas nécessairement accepté, hein, qu'il peut y avoir des formes de soumission qui ne sont pas des formes de consentement. Mais c'est l'idée que bah, y a quand même un horizon de possible, un horizon de droit, hein, qui est encore présent dans la société salariale. Que l'idée. Il y a une construction sur long terme de cette société salariale, de l'état social, hein, et qu'il y a un certain nombre de normes qui continuent à faire référence, qui continuent à être mobilisatrices. Hein. Tout comme peut jouer aussi l'effet de l'augmentation du niveau scolaire, en fait, hein, hein, avec le refus du déclassement, quelque part, en fait. Hein. Donc ça, c'est des éléments qu'on trouve aussi dans le récit que produisent les acteurs des conditions de leur mobilisation, des enjeux de leur mobilisation. En fait, hein. Donc ça, on avait essayé des éléments qu'on avait essayé de faire ressortir en ayant travaillé à la fois dans l'industrie. Moi, j'avais travaillé sur un collectif d'intérimaires dans le secteur automobile. Et puis plus récemment, j'ai travaillé sur l'organisation des aides à domicile, hein, notamment dans un secteur rural. Hein, hein. On pourrait se dire là, ben là, c'est des femmes qui sont à temps partiel, avec des très bas revenus, qui sont assignées à un type d'emploi où les frontières avec justement les tâches domestiques sont extrêmement floues. Hein. Qui est naturalisé comme un emploi féminin. Hein. Vous pourrez vous occuper des personnes âgées parce que vous le faites déjà dans la famille, en fait. Hein. Donc il y a une absence une très forte négation de la reconnaissance professionnelle, en fait. Hein. Et en plus, un emploi très éclaté, puisque c'est des femmes qui interviennent au domicile de différentes personnes âgées, là, dans un territoire rural, donc des domiciles souvent assez éclatés dans différents petits villages, et qui ne se retrouvent quasiment jamais. Hein. Il n'y a pas de lieu de mise en commun, il n'y a pas de réunion collective, elles ont un boîtier pour contrôler leur temps de travail, leur temps d'intervention au domicile des personnes âgées, un boîtier électronique, et puis elles vont, une fois par mois, donner le boîtier à l'association qui les emploie, donc boîtier électronique, et du coup on a le décompte de leur temps de travail, elles n'ont de rapport qu'avec une secrétaire qui est elle-même en emploi précaire pour l'association. On dit, ben voilà, c'est des conditions qui rendent impossible toute forme d'organisation collective et de mobilisation. Et pourtant, il y a de la syndicalisation chez les aides à domicile, il y a même des formes de conflits, en fait. Hein. Donc comment comprendre cela? Et on voit qu'il y a plusieurs choses qui jouent. Il y a d'abord tout un travail qui, justement, c'est ce que j'ai essayé d'évoquer là, trop succinctement tout à l'heure, de demande de reconnaissance professionnelle, en disant, mais si ce qu'on fait, ça demande un savoir-faire spécialisé, parce que justement, alors, il y a plein d'enjeux qui se retrouvent dans les réunions, hein, qui sont organisées par les syndicats, sur, nous ne sommes pas des femmes de ménage, hein, nous ne voulons pas être réduits aux tâches d'aide ménagère, puisque justement on a un métier qui est dans le relationnel, en fait, et c'est ça qui est important. Mais en même temps, on n'arrive pas à le quantifier, ce relationnel, hein, qui fait que vous arrivez à éclairer, à faire qu'une personne âgée participe ce jour-là. Donc tout ça, on veut que ça soit reconnu parce que c'est notre savoir-faire professionnel. Et c'est sur cette base-là que ces femmes vont peu à peu s'organiser, se mobiliser, et puis aussi en s'appuyant, et là, je pense, elles vont se mobiliser. Aussi en faisant référence à ce qu'elles vivent justement dans cette intersection entre sphère domestique et sphère professionnelle, en fait. Hein. Donc là, on voit aussi les implications de ce que Daniel Kergoat appelle la consubstantialité des différentes formes de domination, des différents rapports sociaux, que d'autres évoquent comme l'intersection des différentes formes de domination. Alors je vais terminer peut-être pour ne pas faire trop long. Je m'étais dit en conclusion un petit peu. Bon, j'ai parlé de conflits ouverts, de grèves, et puis d'autres modalités d'action. Finalement, en évoquant cette conflictualité plus ordinaire dans les entreprises qui témoignerait, qui attesterait de forme d'espace, hein, de prise de distance par rapport à l'ordre productif tel qu'il est imposé, en fait. Est-ce qu'on peut résumer ça au travers de la notion de résistance au travail? Qu'est-ce qu'on peut faire de cette notion de résistance au travail, en fait, hein? Là, je m'inspirerai notamment des travaux de Stéphane Bouquin, je ne sais pas si vous les connaissez, qui a écrit plusieurs articles assez stimulants sur cette question, puis a dirigé notamment un ouvrage sur les résistances au travail. Et quelque part, il nous alerte en nous disant attention à la tentation inverse, hein. Finalement, face à la sous-estimation de la place du conflit dans la sphère du travail, à l'inverse, on tendrait le bâton dans l'autre sens pour survaloriser les formes de résistance. Et puis, on aboutirait à un concept un peu valise, hein, qui intégrerait l'ensemble des conduites sociales, informelles, allant des formes classiques de résistance, hein, qui ont été étudiées, notamment dans l'ordre industriel, hein, le freinage, les jeux productifs, je pense aux travaux de Michael Buravoy notamment, en passant par les ajustements, les contournements, les formes de réappropriation. Hein, ça aussi, c'est connu dans le monde industriel, hein, la perruque. Hein, on va récupérer des outils pour travailler chez soi, le coulage bien sûr, ça c'est pas que le monde industriel, hein, on va récupérer du matériau. Hein, donc on mettrait tout ça dans un mot valise, dans un concept valise, résistance au travail. Et Stéphane Bouquin nous incite à aller vers une définition plus restrictive de la notion de résistance au travail, pour qu'elle justement, elle continue à avoir une dimension opératoire, hein, par rapport à la compréhension donc, de cette intrication, hein, entre forme de domination et possibilité de conflictualité, en fait. Hein. Il invite à distinguer ce qui relèverait, selon lui, justement, de dynamique un peu d'ajustement, ou de conduite, hein, d'ajustement, de contournement des règles, qui sont plutôt des stratégies défensives, hein, par rapport au contrôle managérial, par exemple. Ben, par exemple, ce qu'on connaît entre la différence entre travail réel et travail prescrit, hein, y a plein de choses qui se jouent là-dedans, justement pour contourner les règles, et parfois même faire fonctionner mieux, pour le dire comme ça, le bureau ou l'atelier. Et ce qui relèverait de conduite véritablement subversive, hein, dans le sens où elles mettent en cause l'ordre productif, hein, ou de pratiques véritablement subversives qui sont le plus souvent clandestines, qui visent à atténuer, hein, les formes de domination, notamment l'exploitation. Alors, il invite à distinguer, en même temps, la frontière est très floue entre les deux. Et les deux types de pratiques peuvent être conduites en même temps, ou être menées en même temps. Et puis on retrouve cette question du processus, c'est-à-dire, il y a parfois des conduites d'ajustement, des pratiques d'ajustement de stratégies défensives qui peuvent devenir des pratiques subversives, en fait. Donc la frontière entre les deux est extrêmement floue et c'est difficile de tenir des catégories analytiques qui permettent vraiment de les différencier, en fait, hein. Mais et je terminerai là-dessus, c'est vrai que on a vraiment besoin du coup de nourrir empiriquement, hein, ces catégories, pour essayer de comprendre justement à quel moment on rentre dans quelque chose de subversif par rapport à l'ordre social, en fait. Hein. À quel moment, effectivement, on va avoir des formes de contestation et de conflictualité qui sont porteuses d'une certaine forme d'autonomie dans la critique, hein, alors même qu'il y a des formes de résistance qui ne le sont pas, en fait. Hein. Donc, juste pour terminer, c'est l'idée donc de pas idéaliser ces formes de résistance au travail, mais de continuer d'en faire un outil quand même de compréhension, pour saisir quand même ce qu'il y a comme autonomie du sujet dans la sphère du travail, en fait, hein. Voilà, je vais arrêter là peut-être pour pas faire trop long. Eh bien, merci beaucoup. C'est une conférence très riche, il y a beaucoup de choses, en fait, et beaucoup de questions. À la fois les exemples sont intéressants aussi, contrastés d'ailleurs. C'est à nous maintenant de poser nos questions. Est-ce qu'il y a d'abord des questions? Moi, j'en ai, mais je ne vais pas les poser tout de suite. Donc, est-ce qu'il y a d'abord des interventions ou des questions. Moi j'en ai une série. On va alterner. La première question sur. Enfin, c'est. Merci beaucoup pour cette conférence, effectivement, c'était très intéressant. Sur la question de l'invisibilité. Donc, on voit bien que toutes les études récentes, celles que vous avez menées avec d'autres, consistent à donner de la visibilité à des choses qui n'en avaient pas. Oui. Et la question que je me pose, c'est jusqu'où on va en fait dans cette tentative de rendre visible. Et du coup, vous l'avez évoqué à la fin aussi, hein, et du coup, d'étiqueter ça comme des formes de résistance au travail. C'est-à-dire, je me demandais si finalement, dans la question de ces formes de résistance et de retrait par rapport au jeu de l'activité économique, on ne pouvait pas inclure aussi d'autres sources, d'autres données, notamment la question des congés maladie, etc. Vous n'avez pas tellement évoqué ça, mais est-ce qu'on pourrait faire aussi un parallèle avec ces formes de retrait? Vous avez très rapidement évoqué la question de la thématique de la souffrance au travail. Oui. Je pense que ça se traduit effectivement aussi par des formes de retrait du jeu productif. Mais est-ce que ce retrait-là, il est simplement, comme aurait tendance à nous le dire cette sociologie-là, de deux jours et d'autres, que c'est les salariés qui sont simplement dominés et abattus? Ou est-ce que ce n'est pas aussi une manière de résister, de dire « bon, ben là, c'est bon, moi, je me mets en congé maladie ». Enfin, on peut aussi travailler sur ces choses-là. Donc, je ne sais pas comment on procède. Est-ce qu'on pose d'abord une question ou est-ce que j'en pose tout de suite Je ne sais pas. On pourrait faire une série de questions ou une question Oh, j'ai bien une série de questions comme ça. Oui, vas-y. Alors, vas-y. Donc, ça, c'est la première. Dans le même ordre d'idées aussi, mais peut-être ça c'est plus compliqué, puis vous allez vous dire que ça sort un peu de votre champ d'études, mais je me demandais si on avait aussi des outils qui nous permettraient de comprendre, parce que c'est intéressant de voir que quand même les grandes grèves dures diminuent, ça c'est le constat ou le résultat, mais parallèlement on a assisté à d'autres formes de mouvements sociaux hors travail. Mm. Donc est-ce que les gens ont finalement déplacé leur activité militante? C'est-à-dire est-ce qu'au fond, il y a une manière de résister qui se déplacerait ailleurs que dans le champ même du travail? Et à ce moment-là, ça montrerait qu'il y a peut-être aussi une ambiguïté ou une complexité plus grande pour le travailleur à revendiquer des choses au sein d'une structure qui, au fond, il essaye de contester de façon plus radicale. Donc ça serait ma deuxième question. Comme elles sont un peu dans le même... Oui. Ordre, je les laisse toutes les deux, puis je reviendrai sur d'autres questions. Voilà. Ah, peut-être je vais prendre la deuxième d'abord, en fait. Bon, sur cette idée, alors, c'est un débat qui a fortement animé toute la sociologie des mouvements sociaux, hein, cette idée d'affaiblissement de la conflictualité au travail et du développement d'une conflictualité dans d'autres sphères de la société, dans d'autres univers sociaux. Et du coup, je pense que c'est difficile de la poser de façon un petit peu, comment dire, moins controversée, parce que bien sûr, il y a des débats théoriques forts à partir, bon, les travaux de Touraine sur cette idée qui est quand même il part de l'idée de l'institutionnalisation finalement du mouvement ouvrier et puis le développement d'autres types de mouvements sociaux. Donc ça, il me semble que, alors, je vais le dire de façon un peu brutale, mais ça, on peut aller à l'encontre de ce type de thèse dans la mesure où, justement, il y a un maintien de la conflictualité dans la sphère du travail. Hein. Mais votre question, c'était pas tout à fait ça, c'est le déploiement, le redéploiement vers d'autres sphères, et on peut la penser même s'il y a maintien dans la sphère du travail, en fait. Ça n'empêche pas. Le fait d'être en désaccord avec une thèse comme celle des nouveaux mouvements sociaux de Touraine n'empêche pas de voir qu'il y a quand même redéploiement dans d'autres sphères, en fait. Même si je prendrais un peu avec précaution, en fait, ce redéploiement dans d'autres sphères, parce que ça renvoie aussi au multipositionnement des acteurs, en fait. Hein. On va retrouver dans différentes formes de conflictualité, finalement, des acteurs qui sont à la fois syndicalistes, dans le travail, et puis qui sont militants associatifs, militants à attaque ou dans d'autres organisations, en fait. Hein. Donc on n'a pas non plus une conflictualité qui sort de nulle part dans d'autres sphères, en fait. Hein. Après, pour aller au-delà de ce type de réponse, il me semble que votre question, elle renvoie quand même, effectivement, à ce qu'on pourrait essayer de penser au travers de la marchandisation, différentes sphères de la société, hein, l'extension de cette marchandisation qui contribue à ce qu'apparaissent des mouvements de contestation dans différents secteurs, hein, et avec l'idée là de voir de prendre très au sérieux en fait finalement des mouvements de contestation à la fois par rapport aux questions de l'environnement, par rapport aux questions aussi de protection de la culture par exemple, hein, et là ça serait une autre façon de réfléchir au déploiement de la conflictualité, non plus avec la thèse de la substitution, mais plutôt en se disant bah, qu'est-ce qui se transforme finalement dans la société contemporaine, société capitaliste contemporaine, et du coup les effets, hein, de cette marchandisation beaucoup plus élargie en fait, hein, marchandisation évidemment des secteurs qui échappaient à la marchandisation, qui rentrent maintenant dans la sphère marchande, hein, les effets de ça en termes de conflictualité en fait, hein. Et donc ça me semblerait intéressant d'aller vers cette compréhension là en essayant de se dégager un petit peu des débats sur qui reviennent souvent par le biais des médias en fait, hein, sur l'idée de la substitution en fait, hein, toujours voilà, nouveaux mouvements sociaux par rapport à d'anciens mouvements sociaux, ce qui ne veut pas dire grand chose à mon sens en fait, hein. Alors sur l'invisibilité, ouais, vous avez complètement raison, hein, sur il y a d'autres données qu'on pourrait mobiliser, notamment dans l'absentéisme, hein, on trouve ces questions des congés maladie, et l'absentéisme est un phénomène massif, hein, notamment dans le secteur industriel, hein. Et on sent qu'il y a des choses ambivalentes, hein, dans l'absentéisme, hein, parce que ça peut être aussi j'ai un salaire extrêmement bas, je sais qu'il compte sur moi aujourd'hui, mais j'en ai marre, j'y vais pas en fait, hein. Et qui est une décision extrêmement forte alors même qu'il y a un chômage de masse en fait, et pourtant ces phénomènes là ils existent en fait, hein. Cette capacité de dire non à un moment donné à ce travail contraint en fait, hein. Donc c'est intéressant de voir cette ambivalence-là. Après, il y a ce risque de tout inclure comme des formes de résistance au travail, alors que même dans l'idée de dire non un jour à l'ordre productif, finalement, est-ce qu'on est dans quelque chose d'une résistance subversive ou c'est simplement un espace pour respirer, pour justement pouvoir tenir au travail et éviter d'autres conséquences qui peuvent lier, que l'on voit au travers justement du développement des risques psychosociaux en fait, ou des maladies psychologiques et des maladies, alors, de toutes les maladies physiques mais aussi psychologiques au travail en fait, hein. Donc je pense que là, pour échapper à cette catégorie un peu valise en fait, je vois, alors, je le dis sous forme de débat, hein, pour ouvrir le débat, je n'ai pas d'éléments de réponse complètement stabilisé là-dessus, mais il me semble qu'on ne peut passer que par la parole des acteurs, en fait, hein, que saisir au travers d'entretiens le sens que donnent les acteurs à de telles pratiques, en fait, hein. Et sur la souffrance au travail, là aussi c'est une notion ambivalente et c'est une notion qui est extrêmement intéressante, en fait. Alors moi je la connais plus au travers des usages que font les organisations syndicales de tout ce débat sur la souffrance au travail en fait. Parce que alors, c'est vrai qu'on peut l'appréhender justement un petit peu comme ce que je disais au début de ma présentation, regarder à quel point les collectifs se sont défaits, regarder à quel point les formes de domination au travail sont fortes, et ça engendre même finalement des formes de... ça sur les individus, ça détruit les individus, hein, puisque ça a des implications sur la subjectivité, et on le voit au travers de tout développement donc de la thématique de la souffrance au travail. En même temps, c'est au travers de cette thématique que les organisations syndicales, les militants, avec du retard, hein, ont commencé à se saisir de nouveau de ce qui se joue dans le travail, en fait. Alors, quand je dis ça, pour moi, ça renvoie à, donc, il faut juste que je l'évoque rapidement, c'est cette idée, que j'ai pas du tout dit là dans la présentation, mais il y a quand même un décalage entre les organisations syndicales et, pour le dire vite, les salariats, hein, on sait qu'il y a une très faible représentation des représentativités sociologiques des syndicats qui organisent 8 à 9% de la population active et qui se sont peu à peu détachés, je dis très vite, de façon j'homogénéise, qui ne devrait pas l'être, mais vu qu'il y a de moins en moins d'adhérents, de moins en moins de militants, on a des militants qui sont accaparés par des tâches, différents mandats, et qui sont détachés, qui deviennent permanents par rapport à leurs collègues de travail. Et du coup, il y a eu une perte de connaissance de ce qui se joue dans le travail, en fait, de la part des organisations syndicales. Et la thématique de la souffrance au travail, à partir du moment où les syndicats se sont peu à peu rendus compte que c'était quelque chose d'extrêmement important, les a conduits à revenir sur le travail, à renouer avec les salariés en disant « mais racontez-nous ce qui se passe dans le travail ». Donc revenir vers une connaissance concrète de ce qui joue dans le travail, et c'est quelque chose d'assez... finalement, on pourrait avoir une lecture très individualisante de la souffrance au travail, et quelque part aujourd'hui, ça sert à recréer du collectif, en fait. Puisque ça sert à faire parler du travail, de la transformation du travail, avec toute une réflexion de médecins du travail, de psychosociologues et de militants syndicaux qui sont en lien, sur dire mais comment on passe du vécu individuel à une expression collective sur ces enjeux-là, en fait. Et ça, ça s'est joué aussi au travers du renforcement de certaines institutions au sein des entreprises, comme les comités d'hygiène et de sécurité, en fait, qui sont devenus des lieux de pouvoir, de contre-pouvoir, je devrais dire plutôt, des lieux de contre-pouvoir, alors qu'ils ne l'étaient pas, en fait. Alors que c'était vraiment une instance qui avait été créée à côté du comité d'entreprise qui longtemps en envoyait, je le dis rapidement là, mais on envoyait les seconds couteaux, on envoyait des militants pour se former dans ce type d'instance. Aujourd'hui, c'est devenu des instances où quelque part se joue une confrontation avec l'ordre justement productif tel qu'il est pensé par la direction de l'entreprise, en fait. Et c'est un des points d'appui pour un des points d'entrée par rapport à ces questions de domination au travail. Et du coup, il me semble qu'il y a un contenu assez ambivalent de cette thématique de la souffrance au travail, en fait, qui est assez intéressant. Je termine juste de vous répondre là-dessus, du coup, mais je fais une référence un peu à l'actualité. C'est d'ailleurs pas étonnant que, l'accord national interprofessionnel qui a été signé, qui vient d'être transformé en loi, un des points, ça a été la réduction du pouvoir de ces comités d'hygiène et de sécurité, en fait, ces CHSCT. Hein, alors que c'était un des lieux où, se reconfigura un peu le contre-pouvoir collectif des salariés, en fait. Et surtout qu'ils fonctionnent aussi avec des formes de cahiers de doléances. Oui, tout à fait. Tout à fait. En tout cas, d'expression collective, des lieux où pouvait se reconstituer une forme d'expression collective, en fait. Et où on peut faire jouer des normes externes assez contraignantes contre ceux qui sont censés imposer eux-mêmes des normes. Moi, j'aurais peut-être aussi quelques questions. J'enchaîne avant de repasser la parole. Donc, trois questions, en fait. Première question, je reviendrai volontiers sur ce que vous disiez au début, en fait, à partir d'une espèce de critique, mais un peu abstraite, sur laquelle vous n'êtes pas revenu, finalement. Et là, je voudrais avoir votre sentiment là-dessus, sur la théorie de la mobilisation des ressources. Parce que vous dites, au fond, moi, je suis un peu à décalage avec la théorie de la mobilisation des ressources. Mais finalement, est-ce que, en un certain sens, la restitution de toutes ces enquêtes et la conclusion de toutes ces enquêtes, c'est pas que... ça peut vérifier par certains côtés finalement certains aspects de la théorie de la mobilisation des ressources, au sens où finalement le panorama global finalement de la conflictualité qui est présentée, c'est un cas dans lequel, dans des circonstances productives et d'organisation du travail très particulières, où le néo-management fait son apparition, où les collectifs de travail sont fragilisés, où le coût économique en fait des heures de grève commence à devenir très fort, il n'y a pas finalement une sorte de calcul des salariés un peu implicite de dire bon, on va adapter finalement le niveau de la conflictualité au niveau des possibilités, donc et des occurrences et des chances finalement de réussite, et donc on va développer une forme de conflictualité de basse intensité par rapport à la conflictualité de haute intensité, et donc finalement on va mobiliser des registres adaptés à ce type de conflictualité avec la pétition, le débrayage, avec le boycott des réunions, etc. Donc je vous montrais très bien d'ailleurs qui est tout à fait intéressant d'ailleurs comme nouvelle forme ou comme forme en tout cas qui sont remises au goût du jour dans la mobilisation, et donc du coup ça, ça on je me demande si on ne serait presque pas un peu dans la configuration que décrit James Scott dans son livre sur la domination, les arts de la résistance, ou dans un contexte de domination. Alors lui, pour le coup, ce n'est pas le salariat, mais c'est le cas de l'esclavage, du servage, enfin, des formes de domination beaucoup plus fortes que celles du salariat. Mais on a l'impression qu'on a un schéma un peu semblable, c'est-à-dire que tous les dominés dans ce type de circonstances, au fond, répondent à ce type de domination par une forme de conflictualité relativement faible, en fait. C'est-à-dire, ils essaient de développer ce qu'il appelle le texte caché, c'est-à-dire faire courir des rumeurs sur le dos des maîtres et des seigneurs, parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose, ou aller crier de la colère dans la cave, parce que comme ça, ils ne seront pas entendus, mais ils déchargeront quand même leur agressivité, ou profiter des séances d'éducation religieuse pour choisir tous les passages de la Bible, en fait, ou les questions de la sortie d'Égypte, des Hébreux qui quittent le pharaon tyran. Enfin, dans toutes les formes de conflits de basse intensité, finalement, qui répondent à ce genre de choses. Donc, ma question, c'était, mais vraiment pour avoir ce sentiment là-dessus, est-ce que ça le revérifie d'un autre côté, finalement, ou pas? Alors, du coup, la deuxième question, c'est que dans ce type de contexte, en fait, où il y a des réponses que vous montrez très bien qu'elles sont ambiguës, parce que c'est à la fois des formes de résistance possibles et à la fois des formes de transformation, et la frontière, effectivement, est assez poreuse entre les deux. Est-ce qu'au fond, en un certain sens, c'est pas une indication, ce niveau de conflictualité qui a continué à se poursuivre, du fait qu'au fond, en un certain sens, finalement, le néo-management aurait échoué, au fond, parce que finalement, ce que ça décrit, c'est que la forme de consentement qui était au départ l'objectif fondamental à obtenir, au fond, ça a l'air de pas avoir tellement marché, en fait. C'est-à-dire qu'on croyait qu'on allait utiliser le désir d'autoréalisation des salariés, qu'on allait se servir de ça comme le grand projet de l'autonomie au travail, c'est-à-dire que ça allait finaliser la soumission à l'égard la hiérarchie de l'entreprise, la loyauté, la mobilisation émotionnelle du salarié dans ces contextes-là. Et au fond, ce qu'on récolte finalement, c'est toute une myriade de conflits impossibles à gérer qui fuient comme le savon dans la baignoire, en fait, où on n'arrive pas à faire grand-chose avec ça. Enfin, ce serait intéressant d'ailleurs que vous me disiez aussi comment on répond, comment les directions d'entreprise répondent à cette micro-conflictualité qui a l'air très difficile à cerner et qui a l'air de faire des dommages en fait assez complexes finalement. Donc, est-ce qu'il y a des nouvelles stratégies pour répondre en fait à la réponse que constituent déjà ces conflits? Donc en tout cas, l'idée, c'est peut-être que la question du consentement, du coup, a l'air d'être mise en échec. Enfin, ça peut être une bonne nouvelle d'ailleurs de voir qu'au fond, le consentement qui était attendu met du temps à se manifester au fond, ou en tout cas, la forme de la défiance a l'air plutôt dominante par rapport à ça. Et alors, troisième question, c'est le fait de savoir si malgré tout, dans un contexte où on fragilise en fait les collectifs salariaux, où les formes d'individualisation sont mises en avant par les directions d'entreprise, où le mécanisme de la concurrence, au fond, joue beaucoup, est-ce que ça produit aussi des conflictualités horizontales entre les salariés, c'est-à-dire de la micro-conflictualité aussi entre les salariés eux-mêmes dans ce contexte-là, c'est-à-dire c'est ce qui multiplierait du coup à la fois le conflit vertical avec la direction et les conflits horizontaux aussi entre salariés. Donc, voilà. Merci beaucoup hein, pour ces commentaires. Ce que vous avez dit aussi précédemment m'aide aussi à réfléchir et à avancer dans l'analyse de ces données. Donc c'est vraiment bien. Sur le premier point là, sur la critique, la théorie de la mobilisation des ressources. Je me retrouve complètement dans ce que vous développez, parce que c'est un débat qu'on a eu finalement aussi quand on écrivait l'ouvrage sur la lutte continue, qu'on a écrit à plusieurs. On avait des discussions là-dessus, notamment un de mes collègues avec qui je travaille beaucoup, Baptiste Giraud, qui a fait sa thèse sur la grève. Lui, il le décryptait à partir de la mobilisation des ressources, exactement de cette façon-là, en disant finalement on a une intelligence, une intelligence tactique des salariés avec des registres adaptés effectivement hein, du type de conflictualité par rapport au champ des possibles. Donc il le décryptait comme ça en montrant quelque part une... ce qui pour lui allait dans le sens de montrer quand même une puissance d'agir des salariés, hein, mais au travers d'une approche en termes de calcul hein, rationnel. J'ai pas réussi complètement à démonter ce type d'approche, même si elle me satisfait pas en fait. Hein, mais du coup, ça renvoie à un débat plus plus large hein, sur la mobilisation des la prochaine en termes de mobilisation des ressources. Je pense que c'est quelque chose que vous avez discuté aussi en fait. Hein. C'est-à-dire que après, c'est est-ce qu'on reste dans ce type d'approche où il y a une anthropologie au départ qui est quand même très individualiste, hein, où on s'interroge, où on limite les questions sur les conditions de l'entrée de l'individu dans l'action collective en fait. Hein. Et du coup, on a du mal à rendre compte de ce qui relève du collectif en fait. Hein. Mais en même temps, j'ai bien conscience de ne pas avoir des éléments là pour dire finalement, si ce n'est en restituant finement une grève, quoi. À quel moment quelque chose de collectif joue pleinement, en fait, hein. À quel moment il y a une forme d'effervescence liée au collectif qui fait qu'on va peut-être faire des choix en termes de conflictualité qui ne sont pas les choix les moins coûteux pour les individus, mais parce que quelque chose se joue en termes de dynamique, de reconnaissance du collectif, d'affirmation du collectif. Et ça, je pense qu'on pourrait le montrer de façon fine, mais de là à passer de l'analyse d'une grève à essayer de cerner un peu les outils pour rendre compte de ça, c'est plus compliqué. Ça m'intéresserait de que vous reveniez aussi, vous, sur ce point, en fait. Sur le deuxième point, oui, alors là j'ai plus d'éléments là-dessus sur le néo-management a échoué quelque part à produire des formes de consentement. Ça, nous, on avait pris un malin plaisir justement à voir que on avait même des données statistiques là-dessus. Dans des entreprises, en fait, il y a une corrélation forte entre plus il y a de dispositifs de participation, vous voyez, type boîte à idées, lettres du personnel, instances de consultation. Alors, j'écarte volontairement tout ce qui relève de la négociation obligatoire, hein, mais toute une série de dispositifs que peuvent mettre en place les directions d'entreprise dans l'idée de créer, hein, de contourner les syndicats et de créer des cercles de qualité, etc. Plus il y a ce type de dispositif et plus il y a de conflits, en fait. Hein. Il y a une corrélation qui est maintenue là, dans les données. Que nous, on essayait d'expliquer de façon assez simple, hein, en disant, mais oui, susciter la parole, susciter des formes de participation, c'est extrêmement difficile après de canaliser cette participation, puisque on appelle les salariés à s'exprimer sur leur travail, hein, et du coup, y a pas mal d'enjeux qui sont imbriqués, et qui fait que les salariés ne vont pas se trouver complètement satisfaits de ce qui s'est passé dans telle réunion, et ça va susciter des discussions sur autre chose, et pourquoi pas le début d'une forme de conflictualité, en fait. Alors, cette corrélation, elle existe aussi sur la négociation. Hein. Plus il y a de négociation dans une entreprise, plus il y a de conflictualité. Hein. Ça, c'est juste parce qu'il y a un certain nombre de sociologues des relations professionnelles qui opposent, hein, négociation et conflit, en disant beaucoup de conflits en France, hein, dans le secteur public, parce qu'on ne négocie pas assez. Hein. Et en fait, non, les deux sont imbriqués, hein, conflictualité et négociation. En fait, hein. Du coup, sur la micro-conflictualité, les stratégies pour y répondre, hein, y a surtout beaucoup de stratégies pour essayer d'empêcher les grèves avec arrêt de travail, en fait. Hein, hein. Y a surtout beaucoup de stratégies pour essayer de limiter au maximum la conflictualité avec arrêt de travail, hein, en multipliant les procédures, notamment de consultation avant de pouvoir déclencher un conflit. Il y a aussi des formations, justement Baptiste Giraud, il a travaillé là-dessus, en fait, des formations pour les managers, hein, sur la conflictualité, en fait, hein, et du coup sur la micro-conflictualité aussi, en fait, hein. Donc il y a une adaptation, effectivement, des outils, des enseignements prodigués pour les managers sur ces questions-là, en fait. Hein. Il y revient notamment, dans un numéro de la revue Agone, hein, sur les formes de domestication au travail, hein, et où Baptiste Giraud revient sur des stages auxquels il a pu assister, hein, de formation de DRH et de managers à la conflictualité, en fait. Hein. Après, sur la conflictualité horizontale entre les salariés, Ça, moi, j'ai peu travaillé là-dessus, hein. Mais c'est vrai que on pourrait trouver un certain nombre de recherches en sociologie du travail sur les effets liés à la mise en concurrence, hein, entre les salariés et notamment par rapport à la individualisation des carrières, des primes, mise en concurrence entre les services et mise en concurrence entre les salariés, en fait. Hein. Mais j'ai peu d'éléments là-dessus, en fait. Hein. Oui. Tu me fais une question en fait sur le SOR dans le résultat des enquêtes. Est-ce qu'il y a des résultats d'évaluation de ce retrait de travail? Parce que je trouve ça assez important quand vous avez mentionné tout à l'heure le livre de Jean-Pierre Durand. Dans le livre, lui, il parle d'implication contrainte chez les salariés, qui est assez important. Et je trouve que le retrait de travail, c'est vraiment en France, tout en face de l'implication contrainte. Oui. Et du coup, est-ce qu'on peut voir ça dans les enquêtes de performance au travail, ce retrait? Eh ben, on a un certain nombre d'indicateurs qui permettent de saisir les modalités de ce retrait, en fait. Mais après, il faut voir ce qu'on met derrière retrait. Est-ce qu'on met l'absentéisme, hein? Est-ce qu'on met le refus des heures supplémentaires, par exemple, hein? Donc on peut le saisir, ces formes de retrait, au travers de ce type d'indicateur, mais je pense que ça n'épuise pas les formes de retrait, en fait. Mais ça peut être aussi une moindre implication dans le travail, en fait. Hein. Oui, ouais. C'est pour ça que je me demandais. Vous pensiez à d'autres types d'indicateurs, hein, peut-être, hein? Ben, en fait, je pensais que, comme dans l'implication contrainte, lui, il parle souvent d'être motivé par une carrière, et puis d'être reconnu par ses... par son performance, par rapport aux autres salariés. En fait, cette envie d'une carrière par rapport aux autres peut devenir facilement une voiture aussi. Oui. De garder une stabilité dans l'entreprise. Et je me demande comment ça peut se refléter. Il y a des phénomènes aussi de refus des CDI, en fait. Hein. Oui, justement. Par exemple, les salariés dans les centres d'appel à qui on propose des CDI, qui ne veulent pas de CDI, en fait. Justement, hein. Je pensais sur le fait de CDI. Mais bon, après, il y a d'autres... De jeunes salariés, c'est intéressant, ça, en termes de... Non, je ne me vois pas travailler durablement dans ce type d'entreprise par rapport à, justement, tout ce que ça implique en termes de contraintes, de formes d'organisation du travail. Hein. Mmh. Alors même dans une situation de crise, de chômage de masse, la décision de refuser un CDI est extrêmement forte. Hein, donc, c'est pour ça que chez les précaires, ça doit être encore plus intéressant, le retour du travail, parce que les précaires, ils ont toujours une vue pour court terme. Et du coup, le retour doit être encore plus fort. Oui, mais en parallèle, du coup, l'implication dans l'action collective... est intéressante aussi, parce que si vous avez une moindre implication dans votre travail, en raison même du fait que vous ne vous projetez pas dans ce travail, dans la mesure où vous êtes en CDD, ou vous le considérez comme un emploi alimentaire en attendant autre chose, en fait, le fait de s'impliquer dans l'action collective paraît, disons, plus distant, hein, plus compliqué que pour des salariés, justement, pour qui l'entreprise est un horizon stabilisé, en fait, hein. Et pourtant, il y a des formes d'implication dans l'action collective. Et là, je pense que ça renvoie à ce qui se joue quand même dans le travail. C'est-à-dire que là aussi, ça renvoie à des débats anthropologiques sur le travail, enfin la place du travail dans l'activité humaine, en fait. Hein. C'est-à-dire que même s'il y a une moindre implication, le besoin de reconnaissance dans le travail, hein, de la subjectivité qui est mise, hein, fait que, dans la mesure où c'est un vecteur de construction... d'identité, en fait, cette implication rend possible le fait de s'orienter vers l'action collective, en fait. Hein. Oui, je pense que ça renvoie à ces questions-là. Pour rebondir, en fait, parce qu'à l'autre bout de la chaîne, moi, j'avais aussi lu des choses et entendu des choses sur des cadres allemands jeunes qui, eux-mêmes, aller à l'encontre, parce qu'on a le modèle fordiste, on avait l'idée qu'on avait des parcours sécurisés, on restait longtemps dans la même entreprise, puis on a tendance à dire que c'est finalement des nouvelles formes de travail liées à des nouvelles formes de management qui auraient impliqué une mobilité forcée, soit par épuisement, etc. Mais Mais là, on se rendait compte que certains jouent avec ces systèmes possibles, rendus possibles par ces nouvelles formes de management. Alors, c'est sans doute un contexte très différent des gens qui sont dans des situations de précariat, etc., parce qu'ils ont sans doute les diplômes, la capacité de rebondir, etc., mais qui s'arrêtent notamment pendant 8, 9 mois, 1 an pour s'occuper de leurs enfants, pour s'occuper de telle association, etc., et qui reprennent après. Donc, ont un rapport beaucoup plus détaché aussi au travail. Donc, ça rejoint un peu la question que je posais tout à l'heure, mais c'est toujours la question que je me pose, c'est est-ce que toutes ces études-là n'ont pas une tendance à, pas à sacraliser, mais à penser que le front de lutte, de toute façon, c'est, on va dire que c'est encore médiatiquement construit ma question, c'est la caricature, mais j'ai l'impression quand même que sans opposer les deux, il y a quand même des formes de prise de conscience, en tout cas des formes de politisation qui peuvent se jouer, alors on peut être multicasquette, hein, on peut être à la fois celui qui part pendant 9 mois et celui qui va être actif dans son entreprise, pour moi ça n'empêche pas, mais quand même avec cette idée que dans la hiérarchie des valeurs ou dans la capacité qu'on a à se construire soi-même, une estime de soi, etc., on est capable de jouer sur plusieurs registres sociaux, il n'y a pas que le travail, enfin le travail, parce qu'on est conscient des difficultés d'y accéder, etc., au fond là aussi on a des stratégies différenciées, pour retrouver des formes de mobilisation, de résistance, etc. Qu'est-ce qu'on fait de ces cas-là, qui sont aussi un peu atypiques, quoi. Et qui sont, qui me semblent... Alors, moi, ça m'évoque plusieurs choses que vous parliez de ça, parce que c'est la figure opposée du... Par exemple, des cadres qui vont... emmener leur ordinateur chez eux et continuer à travailler et avoir l'impression que... Oui, parce qu'on parle beaucoup de cela, le stress des cadres, etc. Bon, qui sont indispensables. J'ai l'impression qu'il y a aussi ceux qui, à un moment donné, sont comme moi, je sais pas, j'ai connu des cas personnellement, et puis des trucs que je peux lire, sont capables de se faire 6-7 mois de rupture par rapport au travail pour aller faire totalement autre chose. C'est peut-être insignifiant statistiquement, je sais pas. Oui, ça serait, il faudrait avoir des éléments pour objectiver un petit peu ces phénomènes, qui à mon sens, sont beaucoup plus minoritaires que les autres phénomènes, mais qui existent, hein, c'est pas du tout pour nier leur existence. Hein. Parce que justement, tous les travaux plutôt sur la question des renouvellements, des formes de domination à travers justement l'application à la subjectivité, tendent à montrer l'inverse, c'est-à-dire cette impression d'être indispensable au travail, d'avoir donné une implication permanente, et puis même de combler parfois les dysfonctionnements de l'entreprise ou du service ou de l'administration pour que ça marche, quoi, pour que ça continue à marcher, parce qu'on se sent tellement impliqué qu'on a l'impression que sinon ça y a quelque chose qui va se casser, quoi, en fait, hein. Après, je pense que le fait de pouvoir justement s'arrêter de travailler, de s'investir dans d'autres sphères, ça dépend aussi de la valorisation sociale de ces autres sphères, en fait. De la reconnaissance dans la société de ces autres sphères. Et du coup, c'est aussi ça renvoie à des processus de construction sociale de cette reconnaissance. Le fait de consacrer un an à une association, à quel point c'est bien vu ou pas dans une société, en fait. Hein. Et il faudrait prendre en compte cela, en fait, pour voir aussi quel type d'activités font ceux qui s'arrêtent de travailler, en fait. Hein. Est-ce que c'est pour aller sur la sphère familiale ? Du coup, là, ça renvoie à la question de la division sexuelle du travail dans cette sphère. Est-ce que c'est pour aller vers la sphère associative, hein ? Et du coup, l'enjeu de reconnaissance de cette sphère. Je pense que c'est variable aussi selon les sociétés, en fait. Hein, mais oui, c'est un phénomène intéressant, qui, à mon sens, reste marginal, mais qui est intéressant sur le... Sur aussi l'idée que le travail n'est pas que salarié, en fait. Hein. Qu'il y a des formes de reconnaissance du travail comme activité qui échappent aussi au rapport salarial, en fait. Alors, ces débats-là, ils sont aussi avancés par rapport aux retraités, aussi à ceux qui... Tous les débats aussi sur le revenu minimal d'existence. Hein, hein, l'idée de... Il y a d'autres formes d'implication. Et même derrière un des enjeux de ce débat... C'est compliqué, mais c'est de dire... moi, je suis dans une revue, on a fait un numéro là-dessus. Là, mouvement, voilà. Et il y avait un entretien avec Castel, justement, qui terminait le numéro. Et puis lui, il dit, non, mais il faut arrêter avec ça. Parce que si on a le revenu minimum, même à un niveau un peu élevé, on perd le front de lutte. C'est-à-dire que si on peut gagner des choses contre le capital, etc., se faire du travail, que ça va se gagner pas ailleurs. Pareil, ce type d'opposition entre les différentes sphères dont on parle depuis tout à l'heure, ben, il vient à la fois de ceux qui veulent dire oui, dans le travail, il se joue encore des choses, autant que de ceux qui... Voilà, moi je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il ne faut pas opposer complètement toutes les sphères, mais enfin, en tout cas, sphère du travail et autres sphères de lutte, mais en même temps, je ne sais pas s'il ne faut pas accepter l'idée qu'il y a plusieurs fronts de lutte et que ce n'est pas évident que l'un supprime complètement l'autre. Enfin, en même temps, quand on est dans, dans la logique qu'il décrivait, on était très convaincus par cette idée. Il n'y avait pas de problème. Mais du coup, j'aurais envie de rebondir sur la question que posait Christian aussi, parce que j'avais l'impression que les deux premières questions, on pouvait les lire comme des questions très, très contradictoires, parce que la première, c'est de dire finalement ça fait penser à des formes de résistance, de basse intensité, comme celles que des Chris Scott, alors avec féodalité, esclavage, etc. Donc on aurait tendance à dire, si on a vraiment une grille comme ça de lecture du social et de ce qui se joue dans le travail à partir de cette typologie-là, on pourrait dire, quand on a affaire à des résistances de basse intensité, c'est en réalité qu'on a affaire à des formes de domination qui sont particulièrement violentes. Quoi. La question que moi j'aurais envie de poser, mais c'est peut-être impossible, moi je ne suis pas sociologue, j'ai toujours envie d'avoir des réponses des sociologues que les sociologues me disent ne pas pouvoir me donner, mais est-ce qu'on arrive à avoir des études qui nous montrent les résultats de ces luttes? Est-ce que par exemple, si on s'adapte, ça veut dire qu'effectivement peut-être les grandes grèves sont trop coûteuses et que peut-être elles n'aboutissent plus à des gains comme on pouvait en avoir par le passé, donc on trouve d'autres formes de lutte, mais peut-être les gains sont aussi plus à la hauteur de l'engagement qui est le nôtre dans ce type de résistance. Est-ce qu'on arrive à avoir des études qui nous montrent quel type de gains font ce type de lutte? Parce que moi j'aurais une interprétation que je donnerais après, c'est peut-être un peu pervers, mais... Il y a plusieurs un niveau de réponse, c'est-à-dire que ce que vous évoquiez par exemple sur les grands mouvements interpro, je vais rentrer dans le jeu de répondre sur les résultats, hein, même si effectivement on pourrait dire non, dans une démarche sociologique, je vois, c'est difficile de répondre sur les résultats. Mais je pense que c'est plus facile sur les grandes grèves. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je viens sur les grands mouvements. Et là, il me semble que c'est pas simplement de l'adaptation stratégique. Hein. C'est aussi une impossibilité d'aller vers des grands mouvements de grève, en fait. On a vu depuis les années 2000, mais même 95 et le début de ça, les grands mouvements d'action aujourd'hui, c'est des mouvements de manifestation. Donc c'est la manifestation qui est la forme dominante. Il y a des grèves, mais des grèves qui restent assez limitées, en fait. Une difficulté à rentrer dans des grèves reconductibles dans toute une série de secteurs, malgré les appels à la grève reconductible ou générale, hein, malgré la rhétorique de la grève reconductible, il y a une difficulté matérielle, concrète, à rentrer dans les grèves. Et pour moi, c'est pas simplement de l'ajustement par rapport à des résultats attendus. D'ailleurs, les résultats... Le mouvement, par exemple, de l'automne 2010 est un mouvement important... en termes d'expression collective, à un moment donné, il donne aussi une certaine matérialité à l'idée du salariat, en fait. Hein. Mais en même temps, c'est un échec. Hein. C'est un échec pour les syndicats d'une double manière. La réforme passe et ils ne syndiquent que très peu derrière, en fait. Hein. C'est pas les grands mouvements comme 36, 68, où après il y a un afflux de syndiqués. Il n'y a pas d'afflux de syndiqués par la suite. Donc, c'est pas simplement un ajustement à ce niveau-là. Alors, je pense que la question était plus au niveau de l'entreprise, hein. L'ajustement, là, l'idée de registre de lutte adapté aux conditions de possibilité, en fait, hein. La structure, un peu, hein, des opportunités, comme diraient dans une approche en termes de mobilisation des ressources. Là, je pense que la réponse, elle est plus nuancée, parce qu'effectivement, on peut parfois obtenir beaucoup sans trop s'exposer, en fait, hein. C'était ce que j'évoquais avec le débrayage, hein. Je me souviens aussi d'exemples de salariés de centres d'appel qui racontent que collectivement ils ont décidé un jour de débrancher tous leurs leur souris, par exemple, ou débrancher leur ordinateur. En une demi-heure, il y avait la direction du centre d'appel, et ils ont obtenu ce qu'ils ne pensaient jamais obtenir, hein, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient un rapport de force très fort, en fait. Hein. Donc, il peut y avoir des formes d'action limitées qui permettent pourtant d'obtenir pas mal de choses, en fait. Hein. Mais je pense que là, les niveaux d'échelle, enfin, là, il y a un jeu d'échelle à prendre en compte, en fait. Hein. Moi, je voudrais bien une petite intervention sur ça, parce que il y a en fait, le système de flux tendu, il prend son source d'être très fragile. Et du coup, dans les grèves, on voit bien comment c'est fragile, parce que je crois qu'il y a deux ans, en France, une entreprise, un PME qui produisait des petites pièces pour les voitures, pour Renault, a fait une grève d'une journée qui a influencé trois différents pays qui fabriquaient les pièces aussi, le montage pour ce marque de voiture. Du coup, en même temps, moi je pense que même si c'est assez micro, les autres ouvriers, les salariés de ces différents pays, peut-être n'étaient même pas au courant ce qu'ils demandaient les salariés en France, mais les résultats reflétaient bien sur la scène globale. Du coup, en même temps, le système est tellement fragile. D'un côté, c'est parce que c'est juste le mode de production, c'est juste attendre. Du coup, il faut vraiment qu'il soit au bon moment, à bon endroit. C'est comme ça qu'on a un bon taux de profit, mais en même temps, c'est assez risqué. Ça renvoie à l'ambivalence que vous pointiez tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est à la fois le flux tendu, le juste à temps, c'est la façon dont on a créé la pression aussi, le client, en plus de la pression liée à l'organisation du travail, contrôle hiérarchique, il y a aussi, on peut mettre en avant la pression du client, de la concurrence, et en même temps, c'est un système fragile, puisque on peut le désorganiser aussi en bloquant. Dans les années post-68, il y avait des grèves d'ateliers, hein, dans les usines de fabrication d'automobiles qui bloquaient le reste de la production. Là, un sous-traitant qui n'envoie pas les pièces, hein, ça bloque toute la chaîne, en fait, hein, de la sous-traitante jusqu'à la maison mère, quoi, en fait, jusqu'à l'entreprise donneuse d'ordre. Une autre question, en fait, pour revenir sur la question de l'anthropologie du conflit, en fait, et sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le problème du coût d'entrée dans le conflit ou du calcul individuel, ou voire du moment où intervient le collectif. D'ailleurs, ça pose une autre question, en fait, qui est la question de savoir si dans des univers comme ça, assez individualisés, finalement, quand se déclenchent des formes de conflit, est-ce qu'on voit se manifester assez rapidement des formes de solidarité collective, finalement, est-ce que ça se mesure, est-ce qu'on a un indicateur de la solidarité collective, ou bien est-ce qu'on considère que justement, parce que le processus de production à flux tendu est très fragile, c'est du juste à temps, etc., qu'il suffit simplement que un ou deux individus bloquent le système, et donc ça propage, en fait, l'idée du grain de sable dans le rouage qui finit par paralyser les choses. Donc on n'a pas tellement besoin, évidemment, d'une solidarité réelle. Donc, est-ce qu'on peut mesurer quelque chose, là, du point de vue de la solidarité, dans ce type de micro-conflit, en fait ? On n'a pas beaucoup d'instruments de mesure statistiques, sinon sur le nombre de participants au conflit, en fait. Hein. Et du coup, là, c'est des éléments un peu flous, parce que justement, comme les conflits se déploient dans le temps avec des formes différentes, modalités d'action différentes, on peut avoir pas mal de participants à une pétition, beaucoup moins à la manif. Mais au travers des enquêtes de terrain, des monographies auxquelles j'ai pu participer, il me semble qu'on voit assez vite surgir des formes de solidarité collective. Lorsqu'il y a des conflits dans des entreprises, dans des établissements de grandes entreprises ou dans des entreprises monoétablissements, donc là on était sur vraiment un établissement à chaque fois, en fait, hein. Pour un peu donner le cadre, hein, de cette solidarité, c'est pas des conflits menés par un ou deux individus, hein. Il y a des formes de solidarité qui se construisent avec des implications plus ou moins fortes, hein. mais des formes de solidarité qui peuvent aller vers la manifestation du soutien, justement le fait de signer une pétition pour soutenir ceux qui ont débrayé, le fait de refuser de prendre le travail, le fait de ne pas rentrer dans l'usine s'il y a un cordon de CRS, enfin, des choses comme ça. Et c'est là, oui, où ça renvoie, où on sort, je pense, du calcul rationnel. Oui, en fait, c'est pour ça que je pose la question, en fait. D'accord. Donc je posais aussi cette question parce qu'il arrive, mais ça c'est probablement un mauvais exemple ou c'est pas un exemple très pertinent, mais il arrive des fois que dans des entreprises qui licencient en fait ou qui ferment, il y a une espèce de course souvent entre les travailleurs pour savoir qui va résister le plus longtemps possible en disant on peut refaire redémarrer l'entreprise, on peut réessayer sous forme coopérative, etc. Ou alors on accepte l'indemnité, on part, et donc le premier qui se précipite en fait passe au guichet. Et donc des fois on sent qu'il y a une tension entre la forme solidaire finalement du renformation du collectif. Et de toute façon, dans ces conflits-là, hein, avec occupation des lieux et lutte hein, pour la meilleure indemnisation ou pour tenter de relancer l'usine, en fait, hein, c'est souvent un collectif qui est beaucoup plus réduit par rapport à l'ensemble des salariés. Hein. Même dans les très gros conflits où on présente hein, les salariés de Fralib, par exemple, en lutte, c'est une partie des salariés de Fralib. Et pourtant, là, il y a des solidarités assez fortes et puis une construction. Lié aussi à la présence syndicale, mais c'est toujours un collectif plus réduit par rapport à l'ensemble des salariés, dans la mesure où il y a toujours un certain nombre de salariés qui vont opter pour la solution individuelle, hein, je prends l'indemnité et je vais chercher ailleurs. Quoi, en fait, hein. D'autres questions ? Bon. Les éléments de réponse. Mais en même temps, votre réponse m'a perturbé parce que j'ai l'impression qu'il faudrait distinguer quand même tout ce qui est question de débrayage qui se rapproche quand même de la grève au sens où ça bloque le processus de production, de toutes les autres formes. Et moi, c'est ce que j'appelle des manifestations, des grèves de témoignage. Voilà, j'ai l'impression qu'à l'université, on connaît beaucoup ça. C'est-à-dire qu'on s'adapte parce que on adapte les formes d'action parce qu'on sent bien que de toute façon, je pense qu'il y a l'idée plutôt d'un champ d'impossible qui se présente à nous. On a intériorisé l'idée qu'on n'arrivera pas malheureusement à faire autrement, mais on a besoin quand même pour se sentir exister différemment dans ces univers-là, de manifester des formes de réprobation, etc. Donc du coup, ce que Christian appelait la résistance de basse intensité, j'ai l'impression qu'il faudrait distinguer entre ces formes de « on va le faire, mais on témoigne quand même de notre mécontentement à faire », du fait de « non, on ne va pas faire ». Tout à fait. Oui, tout à fait, de l'impossibilité à faire. Et ce qui renvoie faire, en plus après à d'autres formes de espèce de schizophrénie, ou moi je sais que comme je m'occupe de la coordination là, de département de philo, la France, enfin, juste on s'envoie des mails pour savoir qu'est-ce qu'on fait sur des maquettes, MEF, etc. J'ai des gens qui m'envoient des mails en me disant oui, mais alors ça veut dire qu'en fait on fait quand même la maquette, mais on fait des motions pour dire que. Je dis bah oui, ça veut dire ça en fait. Donc ça fait des trucs un peu schizophrènes. Ah, oui. C'est un peu quand même, enfin, il me semblait que c'était un peu ce que disait Jean-Pierre Durand, justement, qu'il y avait un double niveau, il y avait un niveau qui relevait de l'aliénation, parce qu'on sait que. Il n'y a pas tellement de victoire à obtenir sur une transformation d'organisation du travail. Et, donc, et que ça n'empêchait pas du tout toute une panoplie de résistance qui relève du jeu. Ou du mais donc effectivement, enfin, tu aurais intérêt pour mesurer ce que ça veut dire justement sur les formes de domination et distinguer différentes. Et ça revient à la question que vous posiez pour finir. Sur les différentes formes de résistance. Subversives, comment est-ce qu'on fait Il y a des jeux d'adaptation qui sont des jeux. Est-ce qu'au fond, ça, c'est pas des cas, au fond, ce qu'on pourrait appeler les conflits pour l'honneur, en fait, en disant c'est perdu, mais ça fait rien, on baissera pas les bras quand même et on se laissera pas. En fait, important, je pense. Ah, bien sûr, c'est très important. Mais c'est aussi l'intériorisation complète de. Justement, de l'ordre. Ces conflits-là, ils sont intéressants. Moi, j'ai pas travaillé sur les conflits à l'université, c'est juste pour les avoir vécu aussi, hein, mais je dirais des belles études à faire, parce qu'il y a une intériorisation quand même de... Si on ne fait pas, là, l'université ne va plus fonctionner, et du coup, ne va plus marcher, du coup, on porte sur nous le fait de le faire quand même si on est en désaccord, et donc c'est une intériorisation très forte de... Ben oui, mais en même temps, c'est une intériorisation, mais c'est les moments où on va trouver quand même des stratégies de résistance sont ceux où on recrée du collectif qui est en train d'être sapé par tout à fait, les votes mis en place. Tout à fait, mais ça, c'est les bénéfices secondaires, en fait, aussi du conflit. Quand il y avait eu des débats... C'est important. Quand il y avait eu des débats, mais dans le secondaire aussi, sur, par exemple, est-ce qu'on fait les examens ou pas ? Est-ce qu'on organise les examens ou pas ? Et ne pas organiser les examens, c'était presque une rupture avec l'ordre... C'est pour ça, vous avez commencé en disant on fait grève, mais de toute façon, on rattrape les comptes. Moi, ça, je le fais plus, mais... Moi aussi, je me suis interrogée là-dessus aussi. Mais c'est vrai que c'est des pratiques qui sont répandues à l'université. Bien sûr. Parce que, aussi on est dans une relation qui implique des usagers, comme d'autres professions le vivent dans des relations de service, en fait. Hein, où, les aides à domicile dont je parlais tout à l'heure, même si quand elles sont en conflit, elles vont quand même voir la personne âgée chez qui elles travaillent parce qu'elles ne se sentent pas de la laisser seule si jamais il arrivait quelque chose. Ou... Ça, c'est vraiment l'intériorisation de la relation de service hein, sur l'humain, quoi, le travail. Ça fait partie de cette tension entre les règles du New Public Management et ces secteurs d'intérêt général. Donc, c'est-à-dire que là, on est dans une espèce de truc où on ne peut pas avoir les mêmes armes parce que ceux qu'on pénalise, pas des actionnaires. Ah, c'est ça. Ça serait plus facile, d'ailleurs, probablement, si la relation était strictement privée et cliente, que quand elle se situe dans un univers de service public, en fait, il y a une intériorisation morale très forte. Ah, oui. Dit qu'en fait, on peut pas le faire, on peut pas laisser tomber, et donc on le voit d'ailleurs souvent dans les expériences qui sont faites sur les crèches, en fait, quand lorsque les parents arrivent en retard le soir, par exemple, c'est l'exemple qu'on a fait en Israël, en particulier à Jérusalem, je crois, les parents arrivent en retard le soir pour chercher les enfants, ils sont tout de suite extrêmement culpabilisés parce qu'ils sont en retard et qu'il faut attendre le personnel. Si on dit aux parents, vous arrivez en retard, vous payez 5$, ils arrivent en retard tous les soirs sans problème, ils paient 5$. Donc, on voit tout de suite la différence, en fait, c'est frappant. Mais après, quand on parle de service, c'est vrai que la résistance dans le service n'est pas du tout pareille que dans l'industrie, parce que même si on dit que c'est l'application du Fordisme dans le service, c'est pas exactement ça non plus, parce que même si, par exemple, dans les grandes surfaces, on insiste pour que les caissières soient souriantes, qui disent bonjour, bienvenue, des choses comme ça, la résistance chez les caissières, c'est qu'ils ne te regardent même pas. tu passes devant, mais vraiment ça devient totalement mécanique et du coup chez le client ça crée un mécontentement. Et du coup je pense que les formes de résistance sont différentes et doivent être différentes dans le service, parce que c'est vraiment une autre forme de mais là c'est une relation il y a des clients, une relation de service, mais qui n'est pas une relation de service sur autrui ou pour autrui, en fait, hein. Comme on peut le voir dans des métiers. Oui, tout à fait. Oui, mais c'est pour ça que c'est très difficile de évaluer le secteur tertiaire. C'est pour ça que ça devient de plus en plus compliqué de dire qu'il y a une classe sociale, totalement machin. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une résistance, ou bien il n'y a pas des résultats, des résistances qui sont dans le secteur tertiaire. D'accord, écoutez, s'il n'y a plus de questions, il nous reste à remercier encore Sophie Bérou. Merci. Une conférence très intéressante, très riche. On l'a vu d'ailleurs par les questions posées. En tout cas, ce sont des questions qu'on se pose depuis pas mal de temps et sur lesquelles on travaille depuis pas mal de temps. Merci. Je rappelle que la prochaine conférence, c'est Catherine Colliot-Tellen. C'est toi. C'est en juin, oui. C'est en juin. Donc c'est une séance annulée en mai. Oui, ça c'est énorme, mais oui. Un jour férié, on s'est pas rendu compte. Là, c'est notre faute, en fait. On a fait n'importe quoi. On s'est privé d'Yves Saint-Omer. Ah oui, j'avais vu. Oui.